Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Mardi le 3 juin 2014, bienvenue au Geek Collectif, le podcast présenté par RZO. Ah oui? Ah oui, ah oui, des grosses nouvelles. Hein? Réseau, tu veux dire? Réseau. RZOweb.com. Pas la bande brésilienne hardcore hip-hop, là? Non, t'as beaucoup trop de temps sur les mains pour trouver des bandes brésiliennes de hardcore hip-hop. Mais on est donc maintenant, on fait partie de la famille RZO. C'est notre premier épisode officiel avec RZO. Sur la nouvelle bannière. On vous avait dit à Comic-Con qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis justement, pendant qu'on était à Ottawa, on est en train de jaser avec les gens, avec Bruno et Éric Lafontaine, puis toute l'équipe de RZO, dans le fond, pour voir un peu comment ça se passerait pour la phase 2. Donc, vous écoutez cet épisode-là présentement le 9 juin. Le 9 juin, la phase 2 de Réseau est lancée. Allez voir le site rzoweb.com. Vous allez retrouver d'excellents shows tels que Geek Collectif, le podcast. Vous allez voir aussi Rétro Nouveau, On n'a pas honte, Réalité augmentée, Testeur Alpha. Il y a environ 30 à 32 émissions, parce que là, le chiffre n'est pas très sûr à l'heure où on enregistre, mais d'après moi, on va se rendre à 32, qui vont être disponibles pour vous. Vous pouvez les écouter directement sur le site, les télécharger. Ça ne veut pas dire que notre site n'existe plus, mais on fait partie de ce portail-là, puis on va peut-être aller rejoindre des nouveaux fans. Puis on va peut-être se faire du troc de fans. C'est une façon de découvrir, dans un sens. Oui, exactement. De fans. Des trucs de fans, tu sais, on va se passer. C'est ça, tu sais, on se passe les fans. On est de même dans le comme des rockstars en tournée, là, on se passe nos fans. Puis. RZO, c'est quoi exactement, justement? C'est comme juste un regroupement, c'est ça? C'est comme le but, c'est d'avoir plusieurs shows différents. Ben, effectivement, Eric, t'apportes un bon point, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Pour RZO, ils savent pas c'est quoi. Mais RZO, dans le fond, c'est tout simplement la majorité des gens qui vont faire du contenu au Québec, que ce soit de la web télé, du podcasting, des choses comme ça. Ben, on s'est pas mal tout associé, toute la bande. Les instigateurs du projet, c'est Bruno Georget, justement, qui est à Musique Plus, qui est dans Rétro Nouveau. Il a parti avec Éric Lafontaine, qui va s'occuper du dernier des podcasts. Donc, ces gens-là ont décidé de regrouper un paquet de gens ensemble. Puis tout simplement, c'est au lieu d'être chacun individuellement de notre côté, puis faire notre petite affaire, ben on est toute la gang ensemble. Puis on peut un peu s'unir dans le fond pour justement, regarde, il y a peut-être des gens qui écoutent Testeur Alpha puis qui connaissent aucunement le Geek Collectif et vice-versa. Donc, il y a peut-être des gens qui vont découvrir des nouvelles émissions. Puis notre but aussi, c'est de conscientiser les gens sur la balado-diffusion. Et les web télé du Québec. Donc, rzoweb.com, beaucoup d'émissions là-dessus, beaucoup de contenu. Vous allez voir beaucoup de changements aussi. On va essayer d'être un peu plus présent là-dessus. Puis, je sais pas pour vous autres, mais moi, je suis content de me joindre à un projet comme ça. Ouais, je suis bien excité, ouais. Là, c'est le fun. Ça va nous permettre d'atteindre d'autres personnes qui connaissent peut-être même pas le projet. Puis, au pire, on partagera le lien avec la page. Là, le monde va le voir. Fait que... Exactement. Donc, c'était la petite annonce qu'on avait à vous faire. Donc, qui est quand même une grosse annonce. Qui est quand même une petite annonce. C'est une grosse annonce, finalement. C'est vrai, je downplay les choses. Moi, je dis que c'est pas grand-chose. Humble. Je suis très humble compte tenu de notre humble balado-diffusion et notre grand projet d'envergure. Là, ça va peut-être vous faire bizarre. On va faire une petite coupure présentement, puis on va revenir à l'émission principale. Retour au programme principal, parce que on peut pas en parler au moment de l'enregistrement. Donc, on fait ça un peu en catimini. Avec les personnes qui sont en ligne. Comme l'album de la chicane. Exactement. Donc, présentement, il va y avoir une petite coupure et on revient avec le programme principal. Nick, peux-tu me réactiver le micro, s'il te plaît? C'est Boom Desjardins qui s'occupe de tout ça. C'est reparti. Donc, Geek Collectif, le podcast, cette semaine, avec nous, Monsieur Richter Oz McGough. Bonjour. Je prononce ça comme du monde. Ben, parfait. Je me suis pas enfargé, tout va bien. Surprenamment, non. Excellent, ben merci beaucoup. Fait que merci d'être avec nous autres, Rick. Attends. Qui est Rick 1 et Rick 2? Il faut se trouver un... Où je peux... Oz. Oz, ouais, c'est ça. On t'appelle ça, Oz ce soir. Donc, ce soir, Oz, t'es venu avec nous. Mm-hmm. Tu vas nous parler de la lutte. Oui. Principalement de la lutte québécoise. Exactement. Mais on va toucher toutes les sphères de la lutte ce soir. C'est notre épisode lutte. Mm-hmm. Et qui dit lutte, dit Nicolas Dénommé. Yeah! Nick! Yeah. Je pouvais pas faire cet épisode-là. Bon ski, mesdames, messieurs. Ici Marc Blondin. On a les deux aspects de la lutte, ben pas les deux aspects, mais comme deux côtés, on a un professionnel de la lutte et un fanatique de la lutte. Fait que tu sais, comme on fait le tour avec nos invités à soir vraiment des deux côtés. Là. Fait que tu sais, c'est des connaisseurs de tous les côtés. Là. C'est ça qui va être le fun. Puis surtout que ben tu sais. Rick et Milter, vous aviez l'air d'avoir quand même des connaissances de lutte. Moi, je dois l'admettre, ce soir, je vais en découvrir pas mal plus que je vais en parler. WrestleMania au Sky Dome. Taboy, écoute. T'étais là? Non, mais je l'ai regardé en cassette. Je pensais que t'étais là. J'ai vu. Je suis déçu. C'était pas un WrestleMania, c'était un WWE. Je pense que c'était Raw, Monday Night Raw, quelque chose de même. Au Centre Bell, il y a à peu près un an ou deux. Non, je me rappelle quand tu étais allé. C'était ça. C'était Road to WrestleMania. C'était comme un. C'était un show. Je pense que c'était. Ben, il y avait des gars huilés, puis ils se battaient. Je sais pas si c'était un Raw. Okay. Je pense que c'était plus comme un show nowhere où il se passe pas grand chose habituellement. Ça se pourrait parce qu'il y avait pas l'écran géant, puis le monde était comme bizarre. Mais il y avait CM Punk qui était là. Actuellement, les storylines importants, il y en a pas vraiment dans ces shows-là parce qu'ils sont pas télévisés. Non, ça, c'est un house show. Ouais, c'est ça. Là, entre moi, je stresse quand vous dites c'est ça. C'est un peu parce une pratique, ça, dans le fond. C'est ça, un peu ouais, dire. Ouais, mais c'est ça. C'est là que tu testes. Mais ça veut pas dire que les matchs sont pas cool, mais. Il n'y aura pas de gros changements importants. Le outcome, il n'y a pas d'importance. C'est-tu ces shows-là où tu as comme le random dude que personne connaît qui apparaît pour se battre contre quelqu'un? Il n'y en a plus vraiment. Ça n'existe plus. Ça, c'est de mes mémoires. Moi, je vais vous proposer une chose, messieurs. On ne serait pas le Geek Collectif sans faire notre tour de l'actualité de la semaine. On va parler de ça. Excusez-moi pour le coït interrompu, mais on va comme briser la cadence un peu. On va rentrer dans l'actualité, puis on va aller jaser lutte justement par après, parce que Rick, je suis sûr, Oz en fait, excuse-moi, c'était faut que je m'habitue. Je suis sûr que t'as un paquet d'anecdotes pour nous autres. Oui, c'est clair. J'ai bien hâte d'entendre ça. Moi, j'ai des questions. Ben des questions. Mais parlant de tes questions, mon Milter, parle-moi donc de ta semaine. Moi, ma semaine, j'ai deux affaires, une grosse puis une petite. La grosse, c'est j'ai acheté Watch Dogs. Oui, moi aussi. Au Xbox One, moi, toi, sur mon PC. Ben écoute, je suis un élitiste des PC, donc. Exactement pourquoi j'avais aucun doute que c'était PC ton choix. Les frame rate puis la résolution, c'est super important pour moi. C'est ça. Mais pourquoi t'as pas pris une PS4 version d'abord? Je suis trop pauvre. Ah, okay, je vais parler du jeu avant qu'on rentre dans les spectres trop. C'est ça, je l'ai acheté. J'ai acheté une version normale. J'ai pas acheté le Collector Edition non plus. Je voulais pas virer fou. Puis vu que j'étais au Midnight Launch de Terrebonne, parce que Terrebonne était une des trois villes du Québec, Microplay avait... Il y avait Montréal, Québec et Terrebonne. Tu sais, l'importance qu'on a, là. Fait que je me dis, je peux pas y aller. Fait que il y avait des gars d'Ubisoft, dans le fond, qui étaient là. C'était comme une soirée spéciale. Puis c'était des gars qui avaient travaillé sur le jeu, puis blablabla. Nous parlaient. C'était... cool, c'était pas l'affaire la plus cool. Paraît que l'animateur était bien bon, par exemple. L'animateur était plus entertainant que les 7 gars d'Ubisoft qui étaient là pour répondre aux questions qu'on entendait moyennement bien parce qu'il était assis et il paraît aussi que la prochaine fois, ils vont louer des micros. Je dis ça de même. Ah, t'es mis au courant de ça? Ouais, j'ai comme entendu ça entre les branches là, qu'apparemment, la prochaine shot, il va avoir un micro. Mais tu sais, c'était pas mauvais. C'était juste, d'après moi, ils ont pas pensé peut-être qu'il y avait autant de monde. Mais c'était cool parce qu'à cause de ça, il y a eu des tirages puis tout. Puis disons que même, c'était J'ai eu un code, là j'ai gagné un season pass de Watch Dogs. Fait que tu sais, c'est juste cool, j'ai sauvé 20$ pis tout. Mais là c'est ça, je suis arrivé chez nous, j'ai commencé à jouer. Le jeu est fun, pareil. T'as-tu joué à minuit directement finalement? Non, parce que j'ai des enfants, j'ai fait des lifts à des chums qui sont venus l'acheter avec moi. Fait que moi je suis arrivé chez nous à 1h30 genre. Fait que le temps d'installer le jeu à cette heure, le fléau des next gen... On n'a pas le choix d'installer pendant 20 minutes un jeu avant de pouvoir jouer. Fait que quand tu arrives à 1h30, le temps de te préparer puis mettre le jeu, ça ne te tente plus. Mais en tout cas, peu importe, c'était pour l'avoir le lendemain matin quand je me levais. Commencer à jouer. C'est cool. C'est quand même un bon jeu, mais ça m'a fait beaucoup le même feeling intérieur que quand j'ai joué à Assassin's Creed 1. Dans le sens que c'était nouveau, j'ai été impressionné quand même par ce qu'ils ont réussi à faire, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Je m'en ai rendu compte sur le coup, mais je m'en ai vraiment rendu compte quand que le 2 y est sorti. Fait que là, Watch Dogs 2 n'est pas sorti encore. Fait que j'imagine que ça va être un chef-d'œuvre parce que le premier, d'après moi, il y a beaucoup de points à améliorer. Puis je vais peut-être faire une petite joke ou quelque chose, là, mais il aurait pu appeler ça Ubisoft The Best of Game, genre, ou quelque chose. Parce que c'est comme un mash-up, je trouve, de Assassin's Creed et de Splinter Cell mis ensemble dans un open world. Pas mal tous les éléments du jeu, là, comme André, t'as joué. Nick, je pense que t'as joué aussi. J'ai joué. Rick, non. Non, t'as moi pas j'ai joué choisi encore. Wolfenstein. Ouais, à cause de l'Espresso qui est next-gen. L'Espresso next-gen, un excellent vidéo que Rick a faite qui nous parle de l'Espresso next-gen. Mais, tu sais, entre vous puis moi, là, nommez-moi une affaire que tu fais dans le jeu, là. Je vais te dire ça vient de quel autre jeu d'Ubisoft, puis je vais te dire comment ça s'appelle dans l'autre jeu. Celui des clochards. Non. Ouais. Assassin's Creed, quand tu y penses, il y en a, puis tu peux y tuer, tu sais, mais ça, le bonhomme bouge pareil. Non, ben moi, j'ai joué à Assassin's Creed le quatrième. Mais c'est mais surtout. Je suis pas gamer comme toi, fait que moi, Watch Dogs, j'ai trouvé ça très cool pour l'instant. Mais comme j'aime, mais je trouve. Le storyline est intéressant. Il y a un peu de redondance, là, je trouve. Puis, c'est juste le fait que le bonhomme, il bouge exactement pareil. Je sais pas, le coat est pareil. Les caméras, c'est très... Le manteau, c'est comme la petite veste d'Assassin's Creed. C'est exactement pareil, ouais. Le bonhomme. Est-ce qu'il marche avec un genre de swagger? Non, il est tout le temps la tête sur son cellulaire, la tête baissée, puis il regarde son cell. Tout le temps. C'est adapté au temps moderne. Ouais, non, mais ça, pour de vrai, c'est... Beaucoup de gens... C'est ça, pareil, ça c'est drôle là, dans un sens. Là. Mais il y a plein de bons côtés, sauf des petits détails comme, gars, ça marche comme Assassin's Creed. Le jeu, moi je me souviens des vidéos, il me semble que c'était marketé comme du parcours un peu. Ben, il y en a un peu. Il y en a du parcours. Mais je le trouve plus ou moins... Ça dépend comment tu joues le jeu, parce que moi je fais du parcours pas à peu près. Moi. Je cours partout, je saute, je prends jamais de char. Les objectifs sont tous à 300 mètres, fait. Je vais aux objectifs à pied tout le temps parce que tu voles un char dans la rue, c'est pas comme GTA que tu peux te pousser. Là. T'as comme tout de suite deux polices après toi qui sont très tough à semer. Là. Mais c'est plus. Je sais pas. Là, moi, j'ai resté pogné devant des roches qui m'arrivent aux genoux régulièrement. Puis c'était pas d'invisible wall. C'était des contours. C'était des petits détails de même là, que je me dis le gars pourra au moins sauter. T'sais, c'est next gen. Là, tu peux pas sauter. Aller dans cette direction-là un peu. Là. Moi, il y a un terme, parce que tu peux pas te promener nécessairement. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu sors ton cellulaire, ton bonhomme court pas à la même vitesse. Puis non. Au moins, il y a cet aspect de réalisme-là, parce que un des jeux, moi, que j'ai trouvé que ça ressemblait, c'est Assassin's Creed, c'est sûr et certain, mais on peut pas en vouloir à Ubi. Mais un des noms que j'aurais donné à Watch Dogs aussi, c'est Zombie Texting Simulator. c'est justement ton bonhomme, il est tout le temps un peu cross-side où il regarde son écran de côté, puis il court, puis tu sais pas trop. Fait que tu t'en vas croche un peu, puis... Mais tout le monde a un cellulaire dans le jeu, c'est fou, là, comment tout le monde se promène la tête baissée, puis... Ben récemment, il y a des stats, par exemple, qui ont sorti, puis tu vois, en Europe, je pense que c'est 2,5 téléphone mobile par habitant. Au Québec, on est rendu à 1,5-1,7. Fait que le monde, souvent, on leur ancien cell puis un nouveau cell. Ouais. Quasiment tout le monde a un cell. Fait que c'est quand même réaliste à ce point-là. La seule affaire, c'est ça, c'est le hacking de profilage que son cell par connecté au téléphone de quelqu'un d'autre. T'sais, c'est big un peu. Mais il est cool, le jeu. Mais ouais, c'est ça. C'est un jeu, j'étais en train d'essayer de le faire à 100%. Je suis pas... comment dire ça? La seule affaire, c'est que je sais que c'est pas un jeu que je vais rejouer une fois que je vais l'avoir fini. Ça va être fait. Je vais passer à d'autres choses. Puis je vais attendre le deuxième. Moi, j'étais à l'étape, dans le fond, du jeu que je me dis, est-ce que je le fais au complet? Tu sais, il y a des jeux comme ça. Là, ouais, je pense que c'était Dishonored. J'ai adoré le début. un moment donné, je me suis lassé total du jeu, je l'ai jamais fini. J'ai été voir la fin, genre, sur Internet, sur YouTube. Juste pour dire que ça a été fait, puis... J'ai peur, justement, c'est ça le problème avec les jeux next gen, de plus en plus, tu t'en fous. Tu joues au gameplay, tu découvres le gameplay, t'as fait le tour, tu te lasses, l'histoire vient pas te chercher, puis j'ai peut-être peur. Celui-là est pas si pire. Mais l'histoire, moi, elle vient me chercher présentement. T'es rendu où, André? Moi, je suis rendu à l'acte 3, je te dirais, sur à peu 4. Près aux deux tiers. Okay. Sauf que, tu vois, moi, un des points que je voulais rajouter sur Watch Dogs, puis il y a une affaire que je rageais dans d'autres jeux, mais j'ai compris en jouant à Watch Dogs, ça servait à quoi? Quand tu joues à Grand Theft ou Saints Row, il t'oblige à faire l'histoire un peu pour débarrer des mini-games. Ce qu'ils font aussi dans Watch Dogs, mais beaucoup plus loin dans l'histoire. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que mes premières 10 heures de Watch Dogs, c'était « Promène-toi dans la rue, hack tout le monde, essaye un mini-game, puis débarrer du contenu supplémentaire. » Puis à un moment donné, l'histoire de Watch Dogs, où je suis rendu, est excellente, puis j'aime vraiment ça. Mais à part lentement. Ben c'est ça, moi je suis rendu là, là, que je joue au gameplay, je découvre les affaires, comme l'exemple, je me sauvais de la police dans le train. Ouais. Ouais. Puis là j'étais comme, ok, je peux pas encore contrôler le train, parce que plus tard j'ai vu dans les upgrades que tu peux faire fermer le train quand tu veux, tu peux... Là je me suis dit, c'est sûr qu'un coup je vais avoir cet upgrade-là, ça va être malade de faire le train. Mais là, je te confirme que c'est un bout quand même cool quand que... T'arrives en moto, puis tu te parques à côté, tu stoppes le train, tu rentres en moto dans le train, puis tu repars le train. Mais c'est cool. C'est un peu ça, c'est que, je sais pas si tu as eu ce feeling-là, Oz, mais j'ai tellement passé de temps à faire ça que quand l'histoire commence à embarquer, ça m'a pris à peu près 20 heures à embarquer dans l'histoire. Mais eux autres, Ubi, ils ont peut-être prévu que le learning curve du jeu, tu sais, la courbe d'apprentissage, dans le fond, c'était que les premiers 5-7 heures du jeu, l'histoire était... Moyenne, parce que t'apprenais à jouer, puis ben, après ça, bang, ça embarque. Je viens de finir l'acte 1, puis, maître frère, avec toi, j'ai fait tout, j'ai tous les collectibles déjà, tous les crimes qu'il faut résoudre, j'ai tout fait les side missions tout de suite, si on peut dire, avant de vraiment embarquer dans l'histoire. Puis l'acte 1, dans le fond, qui a 9 mini-missions, c'est juste un training, dans le fond. Ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça part plus smooth, mais comparé à Assassin's Creed, il part plus vite pareil, je trouve. Ouais. Il y a plus d'action dans le training que des fois un Assassin's Creed qui prend 4-5 heures. Moi, j'ai trouvé que, je sais pas pour vous autres, là, mais on nous garoche des side missions non-stop. Ouais. Tout le temps des crimes, tout le temps. Tu fais texter comme pour dire, hey, il y en a une pas loin. T'sais. Exact, tu sais, c'est comme, c'est quoi, c'est écrit check-in. Parce que t'avais déjà flagué quelqu'un, je pense, pour un crime, ou je sais pas trop comment ça marche, mais je suis pas rendu à cette étape-là trop. Tu sais, je suis pas avancé dans le jeu, mais je me fais tout le temps garocher des side missions. Puis là, je suis comme, moi, je veux juste aller de point A à point B pour continuer. Mais tu t'en fais dire, ouais. Fait que dans le fond, Watch Dogs, Milter, ben, c'est un achat, c'est une location. Personnellement, je le louerais. Okay. Si t'as un gros temps de grindage à faire dans un sens, si tu veux juste faire le storyline, là, louer une bonne fin de semaine, là, puis tu vas te faire du fun, là, puis tout, d'après moi. Mais je regrette pas mon achat, mais je risque de le revendre une fois fini au complet, parce que, comme je disais, c'est pas le genre de jeu que je vais rejouer. Fait que je vais en profiter pendant que je l'ai, puis je vais le finir rapidement. J'ai hâte d'avoir la façon dont ils vont l'alimenter avec les contenus supplémentaires, parce qu'il y a du potentiel à avoir. Ben, avec le Season Pass, ils disent déjà que t'as comme un nouveau personnage qui a 3 missions à lui, fait que c'est 3 missions de plus. Le nouveau personnage, j'imagine qu'il va être pareil, mais... Avec un manteau différent. C'est un skin. Non, mais je pense qu'il y a une barbe ou une casquette puis une barbe. Hey, écoute, s'il y a une casquette puis une barbe. Ouais. Là, ben, je pense que c'est un gars que tu vois dans l'histoire. Je pense que c'est, en tout cas, ben, peu importe. Là, mais c'est cool, Watchdog. Dans le fond, faut jouer pareil, faut le laisser. Ouais, c'est un bon jeu. Si t'as du next-gen surtout, là, je pense que c'est un jeu à essayer là-dessus. Puis, Parlant de next-gen, Rick, toi, t'as fait quoi cette semaine? Ben, moi, je veux dire, j'ai pas acheté Watch Dogs, mais j'ai acheté Wolfenstein. Ok. Puis je trouve ça drôle un peu parce qu'on chiale tout un peu. Ben on chiale pas, mais Milter il a touché la négativité du fait que ça ressemble à des jeux du passé. Mais de... Victime du hype. C'est de même, je voulais ça, le dire. Ça, là, ça je peux le comprendre. Mais je pense que j'avais senti le overhype. Parce qu'en parlant de manque de hype un peu, mais de belles surprises et de aucune gêne de rester avec ses mécaniques classiques, Wolfenstein, c'est une des meilleures surprises là, que j'ai eues, ça fait longtemps. Mais j'ai entendu ça souvent en plus. Même... j'ai lu ça souvent sur Internet. Ouais. C'est tellement une surprise pour moi. Je m'attendais pas à ça. Puis je me rappelle, j'ai tombé sur. Tu sais, moi, c'est, comment est-ce que j'achète mes jeux? Watch Dogs, je voulais l'acheter. Puis tu sais, je me débattais dans. Tu sais, on est tous limités dans notre cash. Puis Watch Dogs, c'était un jeu que j'avais l'intention d'acheter. Puis j'avais un hook-up de peut-être l'avoir à travers d'un ami chez Ubi, puis avec les deals qu'on a sûrement entendu parler d'eux, parce qu'on est à 2 degrés, t'es quelqu'un qui travaille chez Ubi à Montréal, là. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que je m'attendais pas à ça, puis ça tombait à l'eau, mon affaire de Watch Dogs, puis en voyage, puisque j'étais allé en voyage, j'étais allé au Nord Ontario faire du hiking, je me suis sauvé des ours, plein d'affaires vraiment cool, puis cela dit, j'ai été acheter Wolfenstein, puis quand j'ai commencé à jouer ce jeu-là, on a tous joué à Wolfenstein ici. Moi, j'ai juste une petite question. Je ne vais pas te couper dans ta lancée, mais qu'est-ce qui vient en premier, l'ours ou Wolfenstein? L'ours. L'ours vient en premier, puis ouais. Wolfenstein après. Y a-t-il un lien entre les deux? Je préférais l'ours. L'ours, je voulais pas faire une grosse histoire avec ça, mais j'ai vu un ours là, à 20 pieds, puis il a juste parti. Moi, je pense qu'il y a eu comme une réalisation de vivre. Puis il s'est dit « Fuck off, je vais acheter Wolfenstein, je vais jouer, peut-être je vais mourir demain. » J'aurais pu y rester, fait que je vais aller acheter Wolfenstein, YOLO. Exactement, c'est une décision YOLO. Un ours, ça sac pas, là. Un ours dans le PMU des bois à 100 km de n'importe quoi qui est civilisé. Mais regarde, j'ai vu une critique de quelqu'un que je suis, j'ai entendu parler de ça, puis j'ai décidé « Fuck off, je vais le pogner ». Puis, man, j'ai été surpris. Là. Ce jeu-là a pas peur de ses racines. T'as déjà joué à Riddick? Lequel? Le Escape from Butcher Bay. Il y en a juste un, dans le fond. Là, t'as la suite, genre Redux. Non, qu'on fait, c'est ça. C'est ça. Mais le premier, tu sais, quand il est sorti, ça, c'était une révélation, ça. C'était une des premières fois que t'avais un genre de FPS qui avait évolué un peu. C'est pas lui qui est comme Splinter Cell là, que tu parles. T'as les séquences Splinter Cell, mais t'as aussi les séquences shooter, combat, t'es dans la prison, okay, t'es en train de négocier. Le contrôle de robot qu'il avait rajouté dans le Redux. Ouais, ça c'était. Hey, Helen Ripley, man. Mais le Wolfenstein, ça vient des gars de Starbreeze qui ont fondé Machine Games, puis ça l'utilise à id Tech 5. Fait que graphiquement, il est plaisant au next-gen. C'est comme un Rage, dans le fond. Là, graphiquement, c'est comme un Rage. En fait, j'ai rejoué à Rage après, à cause de ce jeu-là. Ils ont un Secret Mission dedans aussi. Quand tu vas en haut dans genre ton Secret Home, tu peux jouer une mission de la première... Du vieux Wolfenstein. Ça, c'était cool. C'était vrai. J'ai vu du monde jouer. Puis j'ai capoté. Mais l'histoire est super cool. T'es genre comme dans les années 60... mais que c'est les nazis qui ont nuqué les États-Unis. T'es un monde hyper fasciste. T'étais vraiment dans un monde nazi comme s'il aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale. J'étais sûr que c'était ça pour de vrai, mais... C'est quoi le film avec les nazis, ça a l'une, là, qui est sorti, là? Nazis on the Moon? Probablement. Aaron Sky. Ouais, j'ai entendu des comparatifs qui apparemment s'est fortement inspiré d'Aaron Sky. Très cool, ce film. Non, je pense pas que c'est inspiré par ça. Aaron Sky, c'est cool comme film, mais ça c'est plus l'aspect sci-fi. Peut-être c'est comme Aaron Sky, je l'ai pas vu, mais je trouvais plus c'était juste des gars qui trippent sur la Deuxième Guerre mondiale puis on dit qu'est-ce qui arriverait si on arriverait à ça. En tout cas, c'était bon. Suppose. Fait que on l'achète, on le loue, on... Ah, je donne ça un 9 sur 10, André. On donne pas de cote, on en a parlé. On en a parlé dans Parlons Balado, on a dit qu'on donnait pas de cote. Non, mais je veux juste savoir, honnêtement, regarde, j'attends-tu que ce soit à réduction, mettons à 39? Écoute, je le cacherai pas, là, moi je travaille quand même pour une compagnie qui vend du stock comme ça, fait que j'ai eu un prix employé pour, ça m'a quand même coûté une 60aine de piastres, là. Pour moi, ça vaut absolument chaque sou. Bon. Puis tu y vas à 100%. Là, attends, c'est comme si tu peux te le permettre, tu te prends tout de suite. Tu te jettes plus tard, tu vas pas le regretter. Moi, j'aime que les gens y achètent le plus vite possible s'ils peuvent. Comme ça, ça montre que le jeu il est là, mais il vend bien le jeu. Mais y a-tu du multiplayer? Non, aucunement. Non, okay. Ça, c'est couilleux, ça, de faire ça en 2014. Ben, c'est parce que je pense qu'ils commencent à se rendre compte que s'ils focus sur l'histoire, s'ils focus sur le feel du jeu... Une bonne narrative. La narrative est là en crise, comme joue-le. Ils ont trouvé une manière de balancer un sujet très touché. mais en même temps, le faire humoristique puis le fun. Comme, tu sais, t'as des moments là, où t'as des gens qui sont en train de se faire carrément tuer, puis t'as des quinzaines de personnes en train de se faire mettre dans des poubelles, autant qu'après ça, t'es allé faire des jokes, ta thèse, après que t'as égorgé un nazi pour la 8e fois. C'est tout ça, c'est super bon. Puis vite fait, j'ai pogné Wildstar, puis pogné là. C'est le meilleur MMO au monde, André, je pense que tu serais d'accord. Ben écoute, je vais peut-être y redonner une autre chance un moment donné, mais... pas pour moi ça. Vite, là, faut que je fasse mon coming out. Là. Moi, là, personnellement, j'ai jamais et j'achète jamais des jeux en fonction du multiplayer. Je sais pas si c'est le rétro gamer en moi, là, mais jamais. Ben rare, tu vas me voir jouer au multiplayer en ligne. Je suis pas capable. Ça marche juste pas le concept. Depuis le Dreamcast là, qui avait commencé ça avec le petit modem. Là. Avec Seaman puis le micro, là. Ouais, non, ça, mais là, je parle plus de Speed Devil Online, des affaires de même. Moi, là, j'avais 13-14 ans, là. Je me suis fait avoir par un gars en ligne. J'ai dit, plus jamais je vais jouer en ligne. Mais il y a des jeux qui sont quand même... Moi, honnêtement, la dernière expérience que j'ai eue, c'était Mass Effect 3 en ligne. Que c'était bon, ça. 4-player co-op. Il y a eu ça pour Syndicate que j'ai joué beaucoup dans les dernières années, mais j'étais un peu comme toi. Moi, puis j'en parlais avec Milter, justement, cette semaine. Ouais. J'étais un gars d'histoire. Ouais, j'étais un gars... Exact. Mass Effect, j'ai capoté. Dragon Age. Haters Gonna Hate, là, je l'ai aimé le 2, moi. Gars, j'ai joué, là. Envoyez-moi du spam sur Twitter, j'en ai pas de problème. Mais justement, l'expérience single player, l'expérience où je peux jouer, je peux faire mon histoire, tout va bien. Puis j'étais un peu comme toi. Là. Le multiplayer, c'est du bonbon additionnel. Ouais. S'il y en a, tant mieux. Mais je ferai pas ma vie au travers du multiplayer non c'est plus. C'est parce que ça, j'ai l'impression que de plus en plus le monde... des compagnies de jeux vidéo mettent trop l'emphase sur le multiplayer, puis le jeu solo en souffre. Pas toutes les compagnies, on s'entend, mais pas tout le monde. Certaines franchises, pour pas nommer Call of Duty, puis... Ouais, mais Call of Duty, c'est le Bruckheimer des jeux vidéo. Ouais. Il va te donner 2 heures où t'es sur ton haleine, puis il y en a pas de problème, ça saute partout, puis Megan Fox est là, mais ça arrête là. Honnêtement, j'ai jamais joué à Call of Duty. Black Ops, autant le story Black Ops. Que multiplayer, tu parles. Aucun Call of Duty, jamais. Mais les histoires sont bonnes, si t'aimes ton single player. Okay. Je vais essayer d'abord. Essaye Black Ops, Black sans Ops. Joke. La nostalgie, il y a une scène où je te spoilerai pas rien, mais il y a un bateau, puis il y a une certaine toune qui embarque. Okay. Puis ça a été mon moment de jeu. Puis je jouais, puis t'as mon père à côté. Il a fait comme, hey, c'est quoi cette toune-là? Oh, puis Battlefield. Si je disais Battlefield. Call of Duty Black Ops, il se passe dans une certaine période de l'histoire où ça vient rejoindre un paquet de monde. Okay. Fait que celui-là, honnêtement, fais single player, ramène-le, puis that's it. Loulé, là. Si tu joues pas multiplayer, tu loues ça, tu le finis en fin de semaine. Puis, Nick. Oui. Toi, ça fait un bout que t'as pas été avec nous autres. Ouais. T'étais là, dans le fond, ça fait un épisode que t'es pas avec nous autres. Ouais, mais sinon, dans les épisodes. Réguliers. Non, non, essaye pas, je t'annonce de t'avoir la face. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi cette semaine? J'ai monté un barbecue. Oh! Ah, si, boy. Non, mais ben, c'est vrai en plus, mais sinon... avec ou sans plan? Sans plan. C'était pas un barbecue neuf. C'était un barbecue qui a été démonté et que j'ai remonté. Okay. T'as-tu fait l'échelle des étapes de la vie du barbecue? Genre sacré. Island Key, manque des boats, déception, bière, poulet à la bière. Il y a eu de la bière, il y a eu des sacres. Mais j'ai pas manqué de boat. Ta boy! J'en ai peut-être manqué. Avec mais... un usager en plus, t'avais toutes les boats. ça tient, c'est ça l'important. J'ai fait des ribs. Des ribs? T'as fait des ribs? Yes. Ok, attends un peu. C'est quoi ta recette de ribs? Là, on... Non, mais c'était déjà des on ribs. On jase. C'était des ribs déjà toutes marinées. Là. Moi, j'ai juste sacré cette grille. Okay. T'as pas fait des ribs. T'as fait des ribs. Moi, des ribs, c'est mariné le soir, commencer à bouillir. Ok, puis, hey. C'était une décision dernière minute parce que. Ah, c'est correct. On était supposé de manger de la fondue, puis ça a changé. C'était-tu de la Lambert? Mais là, à taper un tour de table rapide, votre ingrédient secret pour vos ribs, c'est quoi, Rick? Ingrédient secret, du paprika. C'est pas un secret, mais j'utilise du paprika là-dedans. Je suis curieux, man. Du paprika, ça doit être bon. Milter? Des oignons caramélisés. Non, mais il y a un point. Mon truc secret, c'est pas nécessairement une épice. C'est vraiment la cuisson que je fais dans le four pendant comme 4-5 heures avant de le griller. Nick, lui, c'est le choix du président. Ouais. Non, c'est le bâton rouge. Ah, ben c'est correct? Moi, je peux rajouter que c'est ma femme qui est fait que... OK, fait que toi, ton ingrédient secret, c'est ta femme. Ça serait ma femme plus que les oignons, là, mais c'est elle qui met... Ouais, tu me demandes de spot, c'est ma femme aussi. L'ingrédient secret, oui, carrément. J'allais se faire, là. Cassonade. Oui, en met aussi, ça. Drop the ball, la cassonade, ça m'a sauvé la vie. Mais OK, ouais, fait que des ribs d'un barbecue used, puis c'était bon? Ouais, c'était bon, très bon. Sinon, ouais, j'ai joué un peu à Watch Dogs. Pas de temps, je suis pas super loin dans le storyline, mais c'est cool. Sinon, j'ai écouté un film plate. Lequel? C'est Non-Stop, ça s'appelle. Non-Stop? Avec Non-Stop. Ah, okay. Ça, c'est le titre avec du film? Avec Liam Neeson. Oh! C'est un film de terroriste dans un avion, là, puis c'est comme du déjà-vu. Est-ce qu'il kidnappe sa fille à un point? Il kidnappe personne, mais ah. Non, sa fille est morte. Oh, c'est encore pire. Fait que dans le fond, c'est. C'est quoi, c'est Taken 3, dans le fond? C'est un ancien agent de la CIA, que sa vie va vraiment mal, puis il se retrouve comme. Ils ont tué sa fille. Une espèce de police aérienne, là, que lui, il est dans les avions. Un air marshal, ouais, dans le fond, ouais, c'est ça. C'est un air marshal qui a peur de. D'être dans les avions. C'est un remake de Passager 57 avec. C'était qui? C'était Wesley Snipes. Wesley Snipes. Mais non, on s'entend que le gars, il n'est pas obligé de faire ce job-là. Là. Non, t'sais, c'est ça. Air Marshal qui a peur de prendre l'avion, puis t'es un ancien lui, gars. Il reçoit des messages textes sur son téléphone. Qui est supposé d'être éteint pendant qu'il vole. En plus. Drette, là, ton là, film, il là, son message, il dit t'as 20 minutes pour dropper 130 millions dans mon compte de banque ou quelqu'un dans l'avion meurt. Puis lui, tout le long du film, c'est qu'il essaie de trouver c'est qui écrit ces maudits messages-là. Puis il y a quand même du monde qui meurt random dans un avion. Ils sont comme, je sais pas, 50, puis il est pas capable de savoir si... En tout cas... Clanche en avion. C'est pas très bon. Mélanger c'est drôle, clou. C'est drôle que tu parles de Passager 57, parce qu'après avoir vu ce film plate-là, je me suis dit, je vais me partir un marathon de un film. Un bon film. De film où la marde pogne des avions. Fait que j'ai écouté Passager 57. Snakes on a Plane. Snakes on a Plane, Die Hard 2, puis Zombie on a Plane. Oh! Puis là, j'étais quand même rassasié dans un film d'avion. Là. Snakes on a Plane, depuis que je l'ai écouté au cinéma, je suis plus capable de le réécouter. C'est très bon, Snakes on a Plane. Quand même. C'est parce que le feeling, quand il y avait la scène qui embarque dans le cinéma, puis I've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Puis là, la salle est pleine, puis le monde, c'est comme yeah! Puis là, t'as les 5 gars qui sont habitués à la Fantasia, puis t'as le reste du monde qui sont comme ta gueule. Comprennent rien. J'ai 10$. Oui, mais... oui, au microplay pour ce film-là, là, un moment donné, j'attendais, puis je checkais les films, puis un Midnight Launch encore, je me suis dit, c'était quel jeu, puis j'ai vu Snakes on a Train. Ouais. Fait que ouais. Ce soir-là, je suis reparti avec, me semble que c'était Halo 4, puis Snakes on a Train. Le pire, c'est que je suis sûr que tu as eu plus de fun j'ai de Snakes on a Train écouté qu'Halo 4. Snakes on a Train en arrivant chez nous et je n'ai pas joué à Halo finalement. C'est un film de la compagnie Asylum, qui font, je me souviens qui font pas. Des spoofs de tous les films. Mais c'était possibles. Du cheap, là. Mais... Ils ont sorti Atlantic Rim, là. Genre 2 mois après Pacific Rim. Atlantic Rim, ça sonne porn. Excusez, là. Ben, en tout cas, eux, cette compagnie-là, ils font des films, des spoofs de tous les films. Tous les posters. Les gros. Les gros c'est quoi, il y a un film qui s'appelle, c'est pas Transformer, mais c'est comme. Ça ressemble à Transformer, puis c'est des robots qui se transforment. Mais c'est toujours quand même. C'est pas c'était GoBot. Transmorpher. Transmorpher. GoBot's the movie. Ils font beaucoup de films d'animaux qui tuent aussi, là. Ouais. Fait que mais dans le fond, est-ce mais que ouais. Tu recommanderais c'était quel film déjà? Non-Stop, c'est ça. Tu l'achètes surtout pas. Okay. Le loup peut-être, mais je le conseille d'attendre qu'il soit gratuit sur Illico. Là. C'est ça. Okay. Ou ça j'allais dire, t'attends Netflix ou Vidéotron. Sinon, je me suis retapé, j'étais en train de me retaper la saison 4 de Walking Dead avec ma blonde parce qu'elle l'a pas vu encore puis j'ai vraiment hâte là, que ça recommence. Puis... T'as-tu fini la saison 4? Oui, j'ai fini, mais je la réécoute au complet avec ma blonde parce qu'elle l'avait pas vu. Puis ça me donne encore plus le goût mais de moi, voir. J'aime ça que tu parles de télésérie parce que mon actualité cette semaine, c'était une télésérie. Puis je veux dire merci à Mike. Fait que Mike, écoute, il a écouté juste le pilote puis il m'a recommandé Fargo comme télésérie. Oh, c'est bon. Avez-vous écouté Fargo? T'es rendu où dedans? Je suis pas rendu très loin, je pense, le troisième épisode. Ah, c'est moi, bon. J'ai arrêté à la première. Je viens de me claquer le troisième. T'as arrêté à la première, ouais. Pour vrai? Ça t'a pas accroché? Watson me fait pas triper trop. J'entends trop son accent anglaise à chaque temps en temps. On essaie de faire un accent genre du Minnesota manqué. Là. Man, honnêtement... Puis, peut-être que ça couche trop un gros fan du film aussi. Ah, peut-être. Fait que ça me... À bout de ligne, quand j'ai arrêté de la première mission, j'ai dit plus jamais je vais écouter ça. C'était vraiment horrible. Ah ouais. Moi, je tiens juste à dire Billy fucking Bob Thornton. Il était écœurant. Oh, ouais, vole non, le c'est... show. Puis moi, j'avais peur parce que Steve Buscemi dans le film, il était écœurant. Je me suis dit, Il n'y a personne vraiment à sa hauteur. Hey, c'est Billy malade, Bob Thornton, là, il est creepy à fond. Là. Ah, il est creepy, mais l'humour est bon aussi. Ouais. Dans le troisième épisode, justement, quand il dit au gars, il dit you could have, t'aurais pas pu prendre une pièce plus petite, esti, pour qu'on se parle. Ils sont comme face à face. Ça reprend le film, mais ça modifie beaucoup de choses dedans. Puis, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas pogné une série où j'ai embarqué de même. T'sais, True Detective, j'avais embarqué solide, là. Puis Walking Dead, j'ai trouvé ça correct. Mais Fargo, là, je suis accro. Puis c'est la première série qu'avec ma blonde, on s'est dit, on s'attend. Parce que ma blonde, elle s'est claquée Suits en 3 jours pour me rattraper. Puis il y a des séries, on s'est claque back à back. Puis honnêtement, je passe série film à ma blonde des 4 fois plus que moi. Puis elle mérite à 100 000 à l'heure. Mais Fargo, c'est tellement bon. Honnêtement, allez écouter ça, c'est une des très bonnes séries que j'ai écoutées dans les dernières années. Le jeu de rôle est bon. Il y a des acteurs qui sont surprenants là-dedans. L'ambiance est glauque. Je trouve ça weird qu'on n'entend pas parler plus qu'il faut de cette série-là. On dirait que c'est comme ben passé... Ouais. Non, mais c'est FXX. Tu sais, t'as comme le poste FX. Il fait chier, ce poste-là, FX, en passant. Là. X. Pourtant... Yo, ce poste-là me fait chier. Parce qu'il y a des reruns sans fin sur FX, comme de plein. Fait qu'ils ont décidé de faire une deuxième chaîne... Il sort des shows. J'ai déjà abonné à un FX. Je l'adore. Il y a Louis dessus puis d'autres shows. FXX sort avec Fargo. Puis Callis, un nouveau Borat puis un nouveau fucking Ali G. Puis... Qui ressort de nulle part. Dessus FXX. Ah, mais FXX, je pense, c'est comme. Tu sais, dans Dodgeball the Movie, t'avais ESPN 8 The Ocho. Là. C'est un peu comme le trou de cul de la télévision. Si tu veux voir. Comme genre du basket au Mexique puis du basket en Irlande en même temps, je peux comprendre les différentes chaînes. Là. Mais quand t'as déjà une chaîne de FX là, qui gêne pas de montrer 15 Louis de fil puis que des reruns de des vieux vieilles drames canadiens des années 90, FXX me fait chier. Mais Fargo, je pense que par loi canadienne, est en fait. Excellent. T'sais, moi, je pense que... Je peux avoir un exemple de drame canadien. Da Vinci's Inquest. Hein. Northern Exposure. C'était pas canadien, ça. Non? Non. Hein? Nice try, Milter. Hein? C'était Alaska, en plus, ça se passe dedans. C'était une tournée, là. Ouais. C'est British, ça. Hey, vous êtes donc même pas à brancher votre culture canado-anglaise, les... Continuum. Corner ouais, Station. Ben, Continuum, c'est Canada slash something else. Je connais else, juste Tragically Hip. Corner Station, c'est ça? Corner Station, Corner Gas. Corner Gas, Corner, ça, Gas, ouais. Corner Gas, ça c'est Comedy Network stuff. Mais il connaît son CBC, ce gars-là. Fargo. Non, mais Fargo, la télésérie, ça va à peine. C'était l'écouter. Comedy Network en passant. C'était mon activité, honnêtement, de cette semaine. Ben, j'ai acheté un gazebo. En fait, mon père a acheté un gazebo. Puis j'ai aidé à le monter, le dit gazebo dans la cour. Made in China. Avec tout le respect que je dois aux amis asiatiques, chinois qui travaillent dans les usines, qui font des gazebos, c'est dur en tabarnak de driller des trous drettes dans des crossbars. Regarde, ils te donnent ça, puis c'est un gazebo, l'équivalent d'IKEA. Tu rouvres ça, il y a de coroplace pour mettre le plafond, puis tu t'inquiètes, puis ils te donnent des bottes. Puis là, c'est OK, vis le morceau 12 avec le morceau 14, puis là, mets un 32 en chaque, puis. Il manquait le 17 dans la boîte. Mais le 17, tu t'en rends pas compte avant d'être à la deuxième page quand toute la sacrament de structure est montée. Je vais mettre des bips, je pense. Mais j'arrive après ça, puis ma mère s'en va chez Renault Dépôt pour chercher le morceau qui manque. Le gars du saisonnier est tout seul un dimanche après-midi parce que Dieu sait que personne fait des achats un dimanche après-midi qui fait beau chez Renault Dépôt dans le saisonnier. Ben. En plein mois de fin mai, début juin. Puis là, écoute, petit gars, il me manque le morceau 17 dans la boîte. Avez-vous vérifié le contenu de la boîte? Non. Non, j'ai décidé d'embarquer dans mon char parce que le prix du gaz est abordable. Je me suis dit, je vais aller perdre mon temps à me rendre chez Renault Dépôt, me battre dans le parking pour me trouver une place, rentrer en dedans, me battre avec la fille qui va acheter à peu près pour 800$ de plantes dans serre pour venir te parler pour te dire qu'il me manque le morceau 17. OK, mais là, êtes-vous sûr? Chris, t'étais où quand je viens de t'expliquer à peu près mon 10 minutes de monologue? Ça a pris 2h30 avant qu'elle revienne avec le morceau 17 des cernes en dessous des yeux puis à peu près comme 8 anecdotes de « j'ai passé proche de tuer quelqu'un ». Puis finalement, le gazebo, ça a repris 2 jours et à peu près une caisse de 24 à monter. Fait qu'à la fin, on avait un set de patio. Mais non, j'ai monté un gazebo en fin de semaine. Puis honnêtement, il fait beau, il fait chaud, c'est le fun. Fuck le mobilier de jardin. Je me suis rendu compte, puis ça, c'est une affaire que je voulais en parler, puis ça en est niaiseux. Ça, t'as déménagé dans ton appartement? Ben, c'est ça, tu sais, là, avec mon appart, là, je me suis dit, tiens, il va falloir que je me magasine une table, des chaises, ça va être cool. Puis là, ma blonde est toute excitée, elle est comme, oh, il va nous falloir un kit, mais là, c'est un 4 personnes, puis là, tu regardes ça, puis pendant que j'étais chez Renault, je me suis dit, moi, je veux une table, puis des chaises, puis je m'ennuie, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, les sets de patio blancs qui ternissaient, là, puis à un moment donné, il y avait comme, il était oui. taché noir, là. Oh, oui. La table avec les 4 pattes qui s'emboîtent, là, ça existe plus, ça. La résine de synthèse. Ouais, la résine de synthèse. Ça existe encore. Hey, crème, tu peux acheter table. À cette heure, là, c'est des sofas 8 places pour mettre dans la cour. Je veux pas masser dans le salon. Je veux manger mes sandwichs frais le midi avec le soleil. Le outdooring. Faut que t'ailles chez Walmart là, pour du cheap. Hey, Tic Géant, ils doivent avoir ça, des tables classiques. Ben, moi, y aller au Tic Géant parce que honnêtement, hey, il y avait aucun set de patio en bas de 800$. Dans une place comme Yisk. Je sais pas si tu connais Yisk. Ouais, c'est pas comme. Ouais, il y en a un à Laval, dans Centropolis, je pense. C'est un pélican. Là, j'ai checké là-bas. Ça vaut la peine, honnêtement. Tu trouves des méchants bons deals. Mais on va y aller. Jisk, si vous voulez nous en. Yisk, en tout cas. Si vous voulez nous endosser, ben. J'ai appris comment le dire comme du monde parce que ma mère disait tout le temps Jizz. on va-tu chez Jizz, là, ça va être mon gars. Je vais aller voir sur le site comment ça se prononce. Va pas clair. Voir si Jizz. Hey, yeah, man. Ça s'apprend. Ben, écoute, je vais aller checker, c'est sûr et certain. Ben, c'était ça, dans le fond, gars. Écoute, j'ai monté un gazebo, j'ai joué à Watch Dogs, j'ai pété ma coche une couple de fois, puis j'ai écouté Fargo, qui était le highlight de ma soirée, de ma fin de semaine. Oz! Ouais, toi, ben ta fin de semaine avait l'air de quoi? Ta semaine avait l'air de quoi? Ben, pour ceux qui m'ont sur Facebook, j'ai une belle histoire à compter, sérieusement. Moi, en fin de semaine, j'ai décidé. Bon, à chaque changement de saison, là, mettons, là, je décide d'investir un peu dans ma voiture. OK? Parce que je veux pas, c'est une 2001, puis j'assume pleinement que c'est une 2001. Je me suis dit, m'enlever la rouille qu'il y a après. T'sais, on peut s'acheter un char neuf, mais moi j'ai dit, gars, m'enlever. T'as grindé ça. J'ai grindé ça, je me suis dit, je m'aller dans cette aventure-là, je vais investir un coquet 100$ de produits divers, je vais même me gâter, m'acheter des enjoliveurs. Et te restait-tu un char après que t'aies grindé? Surprenamment, oui, puis la job est bien faite en plus, je suis vraiment satisfait de mon moment. C'est toi qui as fait bon, ça? Oui, honnêtement, ouais, j'ai pris un bon 5 heures de ma vie à grinder comme du monde. Puis là, je me dis, bon, au final, je vais mettre mes enjoliveurs. Là, j'étais tout content, des beaux enjoliveurs, ça fait 3-4 ans, je me suis pas payé d'enjoliveurs. J'ouvre la boîte, il y en a un de pété. Là, je suis comme, OK, tout a bien marché, sauf les foutus enjoliveurs. Là, je me dis, je vais retourner avec ma facture. J'arrive là-bas, je les change pour des neufs. Là, on parle de hier. Je m'en vais retourner hier. Et t'as-tu demandé si t'avais vérifié s'il était brisé dans ta boîte quand t'es arrivé? C'est ce que j'allais dire. C'est mais elle me demandait, elle fait, vous êtes sûr qu'il est vraiment brisé? Je vais juste vérifier. Mais là, il est fendu en deux. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est niaiseuse. Là, cet après-midi, je me dis, bon, je vais installer mes enjoliveurs. J'arrive. Je sais pas si vous avez vu cet après-midi, je suis pas dans votre coin, mais il y a eu une tempête qui est partie sans raison du gros vent. Moi, je suis penché à terre après installer un de mes enjoliveurs. OK? C'est aujourd'hui qu'on règle ça. Là. Puis là, l'autre enjoliveur est sur le top de ma valise. OK? Il vient un coup de vent. OK? L'enjoliveur part, roule dans le milieu de la rue. OK? Puis là, je voudrais l'inventer, je pourrais même pas l'inventer. Là. Je me lève pour aller le chercher. Il y a un char qui passe à 10 km/h. Le plus lent possible, passe sur l'enjoliveur. Oh! Il s'arrête même pas. Je suis au milieu de la rue en fusil, je veux tout péter. Mon enjoliveur est en morceaux en plein milieu de la rue, genre. Là, je dis, je vais aller retourner. Je sais pas ce que je vais faire sérieusement, là, mais j'ai pas d'enjoliveur toujours, puis je suis en tabarnak. Fait que. Mon char, il n'y a plus de rouille, mais j'ai pas d'enjoliveur. Puis sérieusement, à coût de 50$, les 4 enjoliveurs, peux-tu te dire, on va retourner ça assez vite. Puis pas d'enjoliveur. Puis là, on va te poser la question, puis êtes-vous sûr qu'il est vraiment pété? Hey, gars, mais tu sais, tout se passe au ralenti dans ces affaires-là. Tu vois le char arriver. Il allait pas vite, là, 10 km/h, mais moi, dans votre tête. Non! C'est poc. Puis tu sais, il l'a entendu, là, ça a fait du bruit, là, tu sais. C'est mon histoire, mais. Sinon, j'ai joué à Watch Dogs. aussi. On a tout joué. Mais ouais, j'ai pas d'Angers l'hiver, fait que s'il y a des fans qui peuvent m'envoyer de l'argent pour des Angers l'hiver... On va te partir un Kickstarter. C'est bon, un Kickstarter ou un Indiegogo, c'est bon. Ouais, honnêtement, il y a du potentiel à te payer. Fuck les Angers l'hiver, des mags. Ah, des mags, oublie ça, on va à l'étape des mags. On va viser haut. Je pense que je suis rendu là. Des 22 pouces pour mettre du lowrider sur ton char, ouais, suspension hydraulique. Spinner. On kickstart ça live, là. Ford Focus 2001 Sedan. Gros modifié, des gros mags, let's go. T'as-tu le hatch, le haillon? Même pas, même pas. Imagine. T'étais quasiment frère de char avec ma blonde. Prochaine étape. Commence par les mags. Là, on va passer aux choses sérieuses, ouais, bien sûr, parce que vos semaines, c'est sérieux, puis oui, c'est le fun, là, mais le monde, ils veulent parler de lutte. En fait, Nick veut parler de lutte. Eh oui, là, la lutte. Il est venu ici pour ça. Là... Ah, parce que sinon, vous êtes plate, là, mais là, pour une fois, vous avez un sujet qui m'intéresse. Par vous, veux-tu dire la balado-diffusion dont tu fais partie et tu vas parler présentement, ou... Moi, j'ai des questions pour toi. Ouais, vas-y fort. Là, toi, présentement... Milter m'a fait le pitch, il dit Richter Osmegoth, mm-hmm, on l'invite, il fait partie de NCW, ouais, Lutte Wrestling. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que ça roule NCW? On est à notre 27e année. Je suis pas là depuis 27 ans, on s'entend, j'ai 30 ans. Là. Mais ouais, 27e année qui sont là. C'est un comité administratif qui roule ça. Donc c'est une compagnie incorporée, tout ça, les promotions NCW Inc. Puis les gens se passent de comme c'est des mandats à coût de 2 ans. Okay. Là, justement, je viens de. Petite primeur ici, je viens de rentrer en tant que coordonnateur. Oh, AK, félicitations. Ben merci. AK Booker, pour le terme. C'est bon. Le terme de lutte, là. Le scripteur, name it. Là. Le terme de lutte, c'est Booker. Le titre officiel conseiller administratif, c'est coordonnateur. 27 ans en table puis en chaise brisée, ça représente combien de morceaux, ça, à peu près, là? Des millions, j'imagine, hein? À coup de 50$ la table, ça, le monde, ils savent pas. Hein? Mais mettons, là, tu fais un match hardcore, des affaires comme ça. C'est sûr que nous, on en fait, mais pas beaucoup. Là, on va en reparler plus tard. Mais une table, des échelles et tout ça, là, ça revient cher, là. Ben écoute, j'ai acheté une table, pas une table, mais des chaises pliantes chez Walmart, mm-hmm, il y a 2 semaines, à 12,50 le morceau. Ah ouais? Moi, je me dis, quand tu brises sur le front de quelqu'un, à 12,50 le morceau, veux pas, c'est quasiment un billet, ça. Exactement. Mais une table, c'est quoi, on passe 50? Une échelle, dépendant de la grosseur, ça dépend des prix. Puis le monde, ils vont dire ce qu'ils veulent, mais on achète une table, on achète une échelle. Là. Les tables, c'est bureau en gros. Là. Ouais. On s'entend, là, c'est pas... Faut que vous les modifiez, j'imagine, un peu? Ou... Non, honnêtement, c'est des tables. T'sais, en tout cas, t'arrives au bureau en gros, as-tu une table pliante? Une table pliante en bois. T'arrives là, tu vas pas modifier le bois. C'est le lutteur qui on modifie s'entend... dans ce temps-là. on s'entend que tu peux pas... Tu sais, on n'a pas d'équipement genre lutteur dépôt. Tu sais, il n'y a pas de... Non, mais c'est pour ça que je me dis, tu achètes une table normale, mais tu la modifies peut-être, admettons, tu sais, il y a des fois des supports dans le milieu ou des fois des affaires de main. Je me dis, peut-être les gars dévissent ça juste pour se donner le petit plus de... C'est... Je sais de quoi tu parles, par des travers, dans le fond. Ouais, des travers. Les travers, honnêtement, quand ils les enlèvent, ça dépend des tables, ça dépend des modèles, mais quand ils les enlèvent, c'est surtout... Parce que ça, sinon, ça coupe. Ça, ben c'est ça, c'est ça, ouais, fait l'effet d'une lame de rasoir dans ton dos. Ah, c'est de l'aluminium, ça fait la même. Il y a des vidéos sur YouTube, pour citer la WWE, il y avait Hardcore Ali. Le gars passe à travers la table, il s'est slicé le grand dorsal au grand complet, il pissait le sang. C'était atroce. À cause d'un travail de table. C'est un art, un travail de table, ça peut paraître cliché là, ou bizarre, mais tu peux pas... Ça reste ton corps qui passe à travers d'une table. Ça reste ton corps qui mange des coups de chaise. Ouais. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a de moins en moins de coups de chaise sur la tête. Je sais pas si vous avez peut-être vu le produit. Avant, mettons, si tu checkais la ECW dans c'était le terrain. C'était juste ça. C'était juste des coups à tête. C'était comme je vais le bloquer avec ma tête, quasiment, là, le move. Des gars comme Mick Foley, là, que pendant un bout, ça pouvait même pas conduire leur char. C'est lui qui avait Sako, hein? Ouais, exact. Asti, je connais pas de la lutte. Dans le temps, je n'écoutais pas. Mankind, c'est ça. J'ai déjà rencontré ce gars-là, puis c'est un des plus sympathiques. Tu vois, ça fait des matchs de malade mental, puis ça se démolit, puis tout. Puis t'arrives là, puis il est super terre à terre. Mais il y avait été à Comic-Con aussi, lui. Oui, l'année passée, je pense. Il a fait un show d'humour aussi, je pense. Oui, oui. Ça, c'était vraiment ça. Mais c'était un gars pour le pep, si on peut dire. Il se donne pour le fan, lui, puis... J'avais vu son documentaire, puis c'était. Mais là, c'était que ça. Parle-nous un peu, NCW, dans le fond, 27 ans, oui. 650 galas. Oui, effectivement. Là, il y a du monde qui se disent la lutte, c'est sûr, certains. La première affaire qui nous vient en tête, c'est WWF oui. ou WWE, ouais, tout dépendant de quelle période mm-hmm. on est né dans notre vie, puis mm-hmm. Quel intérêt on a pour la lutte. Mais... Ou les pandas. Ou les ouais, pandas. World Wildlife Federation. Mais ouais. 27 ans de lutte au Québec. Il n'y a pas juste Jacques Rougeau qui fait de la lutte. Là. Effectivement, non, il y a des alternatives. Il y a Pierre-Carl Ouellet, parce que c'était plus fort que moi. Puis c'est autre style, la, deux pieds de bras. Ouais. Je ne l'ai pas compris, moi, par exemple. Moi non plus, mais j'ai trouvé drôle. Ben, c'est pas PCO. Tu connais pas PCO? Non, c'est qui PCO? Pierre-Carl Ouellet. Il était avec Marc Blondin, là, mesdames, messieurs. Ouais, Marc Blondin. Ah, c'était l'animateur de lutte. Là. C'est le gros lutteur, l'ancien. Ben, le gars cote. Il a lutté tag team avec. Avec Jacques. Ben, Jacques les Québécois. Si Simon était pas. En pirate Lafitte. Jean-Pierre Lafitte. Ouais. Moi, tu parles pirate, moi, je pense Mad Dog Vachon, par exemple. Là. C'est sûr et certain. Il y avait le look. Ouais, ben non, mais il avait fait une émission d'enfant. Ouais, c'est vrai. Oui, le pirate Maboule. Ouais, ouais. Exact. C'est vrai. D'ailleurs, on a fait un show récemment avec Total Crap. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais, Total ouais, Crap, oui, Simon Lacroix, j'adore Simon. On a fait un spectacle, justement, au Club Soda. Et c'était bien plein. La lutte au Québec, c'est underground. Mais ça gagne en popularité, honnêtement. Justement, regardez, comme je vous dis, on était associé avec Total Crap, puis il y a plein de monde, juste parce que c'était de la lutte, sont venus, ouais. Puis le Club Soda était plein à rabord. Je veux pas m'avancer, mais je sais pas s'il a même renvoyé du monde. Réfugié. C'est ça, probablement, parce que Total Crap, en plus, à la base... Ah, c'est quelque chose que ça fait au moins. Oui, j'adore le. Nous autres, on voulait y aller, mais je pense que ça a juste mal donné. Ça fait au moins 4 ans qu'on dit qu'on veut y aller. Non, mais celle de lutte, là, je me souviens en particulier, moi et Pinic, on en avait parlé. Puis ça... ben oui, ben moi, c'est ça mon problème. Je me disais, quand ça a commencé, ça fait déjà 10 ans, quand ça a commencé, ah, c'est vraiment hot, faudrait vraiment j'y aller. Puis les shows passaient, je regardais les vidéos sur YouTube, je regardais, ah, faut j'y aller. Puis là, finalement, il fait un spécialiste, bon. J'ai pas vraiment le choix d'y aller. J'ai pas juste y aller, j'ai participé, j'étais dessus, tu sais. Fait que j'avais cool, pas de raison de le manquer, mettons. Là. Puis non, j'ai adoré l'expérience. Puis comme je vous dis, ça, de plus en plus, la lutte, la popularité réaugmente. T'sais. C'est sûr qu'on n'est pas sur le matelas dans le temps. Là. C'est plus pantoute ça, là, mais. Mais la lutte, c'est pour qui? Monsieur et madame tout le monde. Honnêtement, c'est pour toi, moi, n'importe qui veut. Se défouler après sa semaine. OK. Tu sais, t'as une semaine de travail, ton boss te fait... Tu sais, faut que tu te défoules le moment à quelque part. Fait qu'au lieu de t'apocher ta femme, ben, tu t'en vas à la lutte. Tu regardes du monde se t'apocher, puis ça crée après du... Tu sais, c'est tout le monde. Honnêtement, là, il y a pas de... Je pourrais pas te dire, je te pointe quelqu'un, ah, lui, c'est un fan de lutte. Tu sais, c'est... OK. Il y a pas de portrait type, tu vois. Mais... Là-tu, des fois, il y a le gars avec le t-shirt Austin, okay. Genre, okay. Et qui se pète des bières. Il y a des stéréotypes de on s'entend. C'est ça. On s'entend. Ça, je niaise avec ça, ça mais... c'est de la WWE. Un fan de lutte WWE, c'est clair que, sûr, en plus, il porte son chandail de lutte pas en public. Pas tout le monde encore, mais... C'est, faut pas Austin 316. C'est ça. Je pense qu'on a tout eu, même si on n'était pas fan de lutte, un chandail Austin 316 non. Ou de la NWO. J'avais non, des. Mais des... j'ai eu un Hulkmania. Moi j'avais un D-Generation et voilà. X. Et voilà, tu faisais des sockets à tes professeurs. C'était Undertaker partout. Undertaker partout. Mais il n'y a pas de profil. Tu sais, comme je vous dis, mais à lutte au Québec, en tout cas, il n'y a pas de profil. Tu sais, tu vas retrouver des. Tes mères monoparentales de 30 ans, genre qui sont là puis qui chillent avec leur enfant parce que ça coûte pas d'argent pour emmener les enfants. Pis... Il y a n'importe qui, sérieusement. Ah ouais. Il y a des vieux monsieur, des vieilles madames qui arrivent. Écoute, moi, je me suis fait pitcher des bouteilles de bière puis des roches à Saint-Jérôme, genre parce que il y avait un bonhomme de 70 ans qui voulait me casser la gueule. Pourquoi? Parce que t'avais battu un... Ah, juste de même, parce que j'étais autour du ring puis bon, okay, je l'envoyais peut-être promener, mais quand même... Est-ce que tu l'envoyais promener ou le personnage l'envoyait promener? Ben, il y a toujours un peu de vrai dans ce qu'on fait pareil. On s'inspire de la réalité ben, pour... tu sais, c'est sûr, si quelqu'un t'insulte, tu pourrais peut-être être porté à vouloir répliquer, tu sais. Mais... C'est ça que j'aime, moi, dans ces shows-là, c'est l'interaction ouais, avec exactement, les exactement, mais ça te défoule. Tu sais, dans WWE, c'est cool, sauf que t'es loin, puis tu l'envoies chier, puis il t'entend pas, mais là, dans ces shows-là, t'es à côté, tu dis de quoi, puis il te répond. Exactement. C'est ce qui te parle à toi. C'est là. Plus intime, c'est si plus on intime. Veut. T'sais, l'expérience... Tu sais que moi, j'embarque là, quand je vais voir ça. Là. L'expérience, c'est ça, le monde, c'est ça qui apprécie. T'as des gens, je peux citer du monde, moi, les gens de mon, mettons, secondaire, primaire, quand ils savent que je fasse de la lutte, quand ils savent que je fais de la lutte, ils font « waouh, tu fais de la lutte, je veux venir voir ça ». Puis même le monde, il trippe pas lutte, là. Puis il arrive là, puis juste... C'est toute la machine... C'est un spectacle, là. Tout le show, toute la présentation fait en sorte que... OK, la lutte, officiellement, je vais pas regarder la TV, je m'en fous, mais ça, j'ai trippé. Tu comprends? Puis ça ouvre la porte à... J'ai même peut-être demandé, ils vont regarder la TV, puis ah, ils vont aimer la lutte à la TV. Tu sais, c'est un cercle. Moi, j'ai ramené du monde, là, justement, qui sont venus me voir à la lutte, puis la fille, elle voulait rien savoir. Elle trouvait son chum con, quasiment, d'aimer la lutte. Il dit « OK, viens juste une fois ça, voir. » Viens l'écouter, voir. Puis, était la première rangée à crier comme une malade mentale. Ben, tu t'embarques facilement. Moi, j'ai remarqué ça en ayant un... J'étais allé à deux shows. Mm-hmm. J'étais allé à un show à l'église, ici, dans le coin, là, la cave de l'église. Là. C'est lequel, ça? On est dans quel coin? Ça, c'est... Dans Hochelaga, là, t'as les combats sous l'église. Là. Vendredi soir? Ça, c'était 5 ans passé quand j'étais arrivé. Puis, j'étais allé à un autre, à un bar de billard... au nord Boogie's, de l'Angélier. Ouais. Ça, c'était pas un événement de lutte, c'était juste une soirée de peau normale. La première chose que j'avais remarqué, c'est que j'avais un chum de la job qui filmait pour cette gang-là. Puis j'étais allé là, j'étais allé me pogner un pichet, j'ai vu le stage, j'étais intéressant. Puis j'ai des racines de fan de lutte quand j'étais kid, mais j'étais allé à un show. En dedans de 5 minutes, là, j'étais en train de crier après la foule, j'étais dans le rôle. Tu vois le méchant qui embarque, t'envoies chier le méchant. Exactement. Je veux dire, c'est le fun. C'est le fun de crier après. Puis là, il rentre dans la scène, puis il te crie après en retour. C'est le fun. Tu sais, il y a des places. C'est pas toutes les places. Mais il y a des places qui font de l'alcool aussi. Des fois, ça favorise aussi les échanges. Ouais. Mais moi, c'était ça dans le bar. moi, j'ai une anecdote de lutte. Puis c'est peut-être la seule que vous allez m'entendre dire de toute ma vie. Mais ça fait quoi? Ça fait, oh my god, 3-4 ans à peu près. J'ai une de mes chums de la job qui se marie. OK. Dans le coin de Saint-Constant, je pense. On va à l'église, on fait la cérémonie, tu te le quittes, puis après ça, t'as l'after party qui est dans un genre de salle de réception, tu te le quittes. Puis on arrive là, puis le parking est bien plein. Puis, non, qu'est-ce qui se passe là? Et, affiché, ça dit, ben, bienvenue à Caroline et Jonathan, célébrer le mariage. Puis en bas, gala de lutte amateur. Fait qu'à un moment donné, tout le monde est en haut, puis ça prend une bière, puis tu sais, ça fight, puis t'as le dance floor. Mais à un moment donné, la salle est vide. C'est qui se passe? Le monde est rendu où? Ben, le marié ainsi que plusieurs personnes du mariage étaient rendus en bas. Mm-hmm. Puis là, ça disait au monde, l'organisateur du gala, « Hey, regarde, le gars, il est en haut, il se marie, puis tu t'inquiètes, ils font monter sur le stage. » Puis là, t'avais un gars, son personnage, je pense, c'était douceur quelque chose, il avait un boa rose. Puis là, le gars commence à quasiment y faire un strip sur le stage. Puis là, t'as des tu sais, ça se bat, gala de lutte, tu t'inquiètes. Puis t'avais tout le monde du mariage qui checkait le gala de lutte en prenant une bière, des affaires de même. Puis c'était juste cool, tu sais. D'ailleurs, la mariée, elle aimait pas ça trop drôle. Tu sais, maintenant, elle fait comme, non, Chris, tout le monde est rendu où? Tout le monde est rendu en bas. Mais c'était le fun, parce que justement, t'arrives, tu fais, what the fuck? Les chances que le mariage arrive en même temps que le gala de lutte. Mais ça, c'est rassembleur, tu sais. Comme, ça va commencer une, deux personnes, après ça, ils vont en parler, tu vas te retrouver avec une gang. Puis c'est ça. Moi, honnêtement, je prends ça à 100%. Tu sais, justement. C'est un party, c'est un happening. Quand la lutte est en ville, moi, justement, en tant que coordonnateur, je veux m'arranger que ce soit un happening. Je m'arrange qu'il y ait des cartes solides pour que le monde... Tu sais, c'est sûr que monsieur, madame, tout le monde va arriver puis il connaîtra pas au début les personnes. Mais justement, faut les rendre assez intéressantes, les personnages, que... Pour qu'ils t'accrochent tout de suite. Justement, tu sais, genre, ils disent, ah, ben moi, je veux en connaître plus sur, mettons, exemple, Jay Phenomenon. Tu sais, il y a des gens de même comme ça, puis là, exemple... Jay Phenomenon, il va arriver, il va faire un reportage à Canal D, puis ça s'en vient là, d'ici l'année prochaine. Je nomme lui pour le citer. Là. Okay. Mais Jay Phenomenon, exemple, début de l'année prochaine, a été au Mexique faire des entraînements de lutte avec des luchadors et tout ça. Puis là, ils ont tout filmé ça. C'est bien cool. Ça va passer justement à Canal D un reportage là-dessus. Ils vont parler de son expérience. J'ai vu un reportage de lui aussi dernièrement sur Voir, je pense. C'est un petit coup de nom, effectivement, je pense. Dans la marge. Dans la marge. C'est oui, ah, dans c'est, la marge. C'est exactement là. Je lui, lui c'est le président des promotions NCW. Ah, OK, c'est pour ça. Mais c'est malade parce que, justement, luchador, culture mexicaine, ouais. c'est très ancré dans leur culture, eux autres. Exactement, c'est une religion. Exactement. Puis, sérieusement, plein de petites affaires comme ça, on touche à, comme j'expliquais hors d'onde, on touche à plein d'affaires. Je veux pas, quand t'es dans la lutte, tout connecte un moment donné. Regardez, là, je viens d'un podcast des geeks, on s'attendait pas à parler de lutte, on parle d'habitude de parler de jeux vidéo, culture. Mais pas nécessairement, on parle c'est tout, ça qu'on essaie de briser, nous autres. Là, ouais. Ben c'est bon, ben je suis à la bonne place. Mais écoute, t'es un geek de lutte. Ben c'est un peu ça, ouais, considères-tu geek? Ouais. Ouais. Non, je l'assume pleinement. C'est pas parce que t'as joué à Warjog en fin de semaine. Non. Mais c'est un... Ou Speed Devils Online. Ouais, ça c'est vieux ça. Mais non, je me considère geek parce que je veux pas que c'est un personnage. Tu sais, comme j'expliquais, encore une fois, c'est du théâtre extrême. Puis au même niveau que le gars qui fait un GN, un grandeur nature, puis qui paye son équipement à coût de 500$, puis qui fait des 5, mais pouvoir de feu, puis tout. C'est un investissement que la personne fait. Moi, je paye mes costumes. C'est là, j'imagine, on va montrer des photos de moi et tout ça. C'est tout moi qui a payé ça. C'est tout moi qui a dessiné ces costumes-là. C'est tout moi qui a créé mon branding. Puis ça coûte de l'argent, ça. T'sais, c'est un investissement. Puis au bout du compte, t'es des fois souvent perdant côté argent parce que tu prends des merch. Tu veux des t-shirts. T'es en train de parler à des gars qui font un podcast présentement. Ouais, là, c'est sûr, côté perte investissement. Non, c'est quoi. On se connaît très bien là-dedans. On va se tenir soudés dans ce cas-là. Mais tu sais, même chose des merch. Tu sais, un chandail. Chandail. Faut les imprimes avant. Puis... Mais ça coûte de l'argent, imprimer des chandails. Ouais. Je sais pas, avez-vous des chandails qui collectent. On l'a fait imprimer, puis il y en a un autre batch qui va arriver un moment donné. Ça va probablement coïncider qu'une semaine de paye. Exactement. C'est tout le monde. Puis honnêtement, entre vous et moi, là, on fait pas d'argent sur des t-shirts. On fait. Encore d'argent sur des t-shirts. J'essaie justement de le rendre accessible, mais si tu le vends, ça va te coûter quoi, 10$ un t-shirt? Facilement, dépend de comment t'en fais. Minimum. Mais toi, puis moi, tu veux plus faire 500 t-shirts, par exemple, un podcast ou une fédération de lutte quand tu sais pas combien tu vas en vendre? Ben, c'est ça. Faut que tu joues safe, tu sais. Ça, c'est une affaire parmi tant d'autres. Tu sais, des photos, ça coûte pas tant cher. Nous autres, des fois, on vend des photos promotionnelles. T'arrives ou quoi, tu vends ça, ça coûte pas cher à faire. Mais tout le branding autour de ça, c'est de l'investissement. C'est ça. Du temps aussi. Temps, ben oui, c'est clair. Il y a juste travailler mes histoires, me faire des vidéos d'entrée. Moi, il faut que tous les gars, moi c'est l'image de mon produit, là. Je veux que tous les gars, exemple, il y a l'écran géant, aient un beau vidéo d'eux autres avec leur musique pour que ça look, ça tape à l'œil. Une chanson thème, exactement. Moi, exemple, j'arrive, j'ai 2-3 nouveaux gars là, qui arrivent sur le show, mettons, samedi prochain. Ben, je vais m'assurer qu'il y ait une vidéo et qu'il y ait un minimum, un petit quelque chose pour pas qu'il y ait l'air niaiseux ou que ça paraisse mal, mon produit ait l'air mauvais. Ben, ça doit affecter le reste du show. Exactement. Aussi, parce que le gars, il rentre et tout le monde a le gros vidéo, les affaires de même. Pis pas lui. Pis... Parce que moi, je me souviens de ça quand j'étais un peu plus jeune, j'écoutais la lutte justement, puis t'avais tout le temps le newbie. Mm-hmm. Tu sais, mettons. Le jobber. T'avais Ultimate Warrior, là, ça pète de partout, et feux d'artifice, exact. Toute la kit, pis t'as le gars qui arrive, mettons, pis... Brooklyn Brawler qui arrivait. Non, mais yeah! Même fois, c'était pire que ça, c'était genre Georges Tremblay, Verdun. Ça, il c'est... rentrait, ouf, là, il y avait ses leggings qui appartenaient, pis ça arrêtait là, tu sais. Il mangeait une volée, pis... Un speedo uni, d'une couleur, il y avait pas rien dessus. Mais justement, ça c'est mon travail, que faut que chaque personne soit unique, chaque personne ait un branding solide. Pour pas que justement que personne, le terme exact c'est jobber, qui arrive dans le ring qui a l'air d'un jobber, puis qu'ils savent que, ok, toi tu te fais massacrer, oui, mon chum, ouais. T'as même pas de vidéo, t'as même pas. T'aurais même pas de name tag, là, t'aurais même pas. T'as rien, là. T'es habillé en rouge comme un Star Trek. Genre, dans Star Trek, tu vas mourir dans les 5 minutes. un des plus grands jobbers de l'histoire, je pense, c'est le Brooklyn Brawler, qui est devenu Dunk the Clown, Inside de même, là, ben, pour ceux qui le savent pas. En fait, il y a eu plusieurs Dunks. Il y a eu plusieurs Dunks, mais il a été le premier original. Ouais, l'original est mort. C'était pas Brooklyn Brawler, non. L'original, j'étais sûr. Il est mort de quoi? De vieillesse? D'être un trop de maquillage. Il y avait du zinc dans son maquillage? Ou... Honnêtement, je pense qu'il y a des problèmes d'alcool et d'autres affaires, entre autres. C'est ceux qui ont pris le Brooklyn Brawler. C'est un peu triste, pareil qu'un clown crève par problème d'alcool. ça se scrape toute la vision des clowns que j'ai. Ouais, mais c'était pas un clown traditionnel. En fait, il est mort récemment. Là. C'est peut-être comme 6 mois. Vraiment récent. Mais il y a beaucoup de lutteurs qui décèdent assez jeunes, des lutteurs de la WWE. Les gros professionnels, là, je sais pas si c'est... C'est une autre époque, c'est sûr que dans le temps, il y avait beaucoup d'usage, on se cachera pas l'usage des stéroïdes. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, à la figure de proue, t'avais Hulk Hogan. Là. Maintenant, c'est des shakes. Des shakes, puis des bronzages. Mais c'est beaucoup... c'est vrai que c'est beaucoup moins... en général. Regarde les top stars, Daniel Bryan. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils suivent le produit en ce moment. Écoute, le gars a sensiblement une grandeur plus que normale. Il doit faire 5'5, 5'6. Puis il est pas grand, il fait 160. Il est en shape, là, faut dire. Mais il est en shape, il est en bonne forme physique. C'est pas découpé. CM Punk, même chose. Lex Luger dans le temps. Là. Tu sais, Lex Luger, 2-3% de gras. Dans le temps. C'est très normal. Il a tout dégonflé. Moi, je me souviens, c'était quoi? C'était les Dudley Boys. Ouais, mais ça, c'était pas des stéroïdes. Non, eux autres, c'était des. Je pense que c'était quoi? C'était des. Non, il était en shape, les gars. Les Dudley Boys en shape. Dudley Boys. Non. C'était de la shape naturelle. Oh, oui. Mais Bam Bigelow. C'est quelque chose d'affaires que j'aurais même pas fait moi-même. Mais... Je répète, Bam Bigelow. Bam Bigelow, lui, le feu. Bigelow, il était quand même athlétique. Au Nintendo, je prenais tout le temps Bam Bigelow. Il bondit partout. Lui, là, il a fait la pluie puis le beau temps au Japon. Ce qu'on a vu de lui aux États-Unis est cool. Est cool. À la limite, mais ECW puis Japon, là, il a volé le show, c'était une machine. Même chose, Vader. Ouais. Vader au Japon, là, il y avait un gros casque, vous pourrez aller voir, là. Il y avait un gros casque, puis il y avait de la steam qui sortait du casque. Juste le casque devait coûter comme 5000$. Juste le commentateur japonais devait être malade à écouter. J'ai une parenthèse, juste question de lutte. Oui. Parce que tu dis Japon. Oui. Je sais que c'est pas comme le marché mexicain qui est tout un autre marché, mais au Japon, je trouve que le marché, de qu'est-ce que je vois, on dirait qu'il mélange plein de choses dedans. Comme je m'en rappelle, tu sais, comme on parlait de MMA tantôt, mm-hmm. Puis j'aimais bien du MMA et tout ça. Puis t'avais Pride Fighting dans le temps, mais t'avais beaucoup des champions de K1 puis de Pride qui allaient faire des matchs de lutte en faisant leur move de MMA dans la lutte. Puis je comprenais jamais ça. Je pose une question à un connaisseur. Le style japonais, en japonais, le Pororezu, c'est du strong style qu'on appelle. Donc c'est de la lutte vraiment raide. On peut aller voir ça sur YouTube, Giant Baba, si je me trompe pas, ou Antonio Inoki contre le. Comment il s'appelle, le gros barbu, là, le. Antonio. Le Giant. Le grand Antonio. Ok, ouais. Non, le grand Antonio. Ah oui, j'ai des. Celui qui tirait des autobus avec ses cheveux. Exactement. Il a été lutté au Japon. Puis, grand Antonio, lui, a décidé de. Je vais le niaiser. Je vais jouer avec lui, là, tu sais, je m'en fous, c'est qui. Je vais jouer avec lui. Puis, le Japonais a décidé de le frapper pour vrai à multiples. Ouais, face, à grand coup pied d'en face. C'est pour ça qu'il a fini dans le métro Ça a pas dû aider. Mais sérieusement, le match fini, Grand Antonio qui est à terre après broyer le nez pété, il pisse le sang dans le ring. Puis l'arbitre, il capote, genre. Puis c'est comme, ok, on s'en va à la maison, vite, là. on arrête ça, tout ça. Mais le style, en résumé, le style japonais, c'est vraiment raide. Les gars. On pas peur, là. Vous irez voir aussi, je plug YouTube en masse, mais c'est parce que c'est des source, trucs hardcore. Exactement. Là. Ça s'appelle le Genzo Bomb. Le Genzo Bomb, c'est un power. T'as déjà vu le Genzo Bomb ou... Je sais pas, je suis bien Genzo Bomb. Tout le monde connaît la prise, le Power Bomb, là, tu prends le gars entre tes jambes, tu le swings par-dessus la tête, tu l'atterris. Le Genzo Bomb résume à, au lieu de tomber logiquement sur ton dos, le terme technique spike, là, dans le fond, tu plantes ta tête, le haut de ta tête, ton cou, dans le ring. The fuck, ouais, c'est à partir d'une prise qu'un Japonais a ratée, Puis il dit, ah, moi, je le fais pareil. Moi, je l'assume. Là, je suis pas capable de lever le gars. C'est pas grave. Je vais faire la prise pareil. Je vais faire mon powerbomb pareil. Puis après ça, ils ont réessayé de le refaire. Mais dans le fond, c'est une prise qui a raté. Puis finalement, c'est devenu une prise permanente. Donc, on a un style japonais particulier. Style mexicain aussi. Le style mexicain plus high fly. Ouais. Le japonais beaucoup plus raide. Des fois, les deux se mélangent. Souvent, tu vas avoir des lutteuses japonaises. Ou des lutteurs japonais. Oh. Non, le reste aux lutteurs japonais. qui vont parler espagnol et japonais. Ils parlent même pas anglais. Carrément, parce qu'ils font tellement des échanges Japon-Mexique. Mais pour eux autres, le marché américain est moins ouvert, on se dirait. Parce que ça vaut pas la peine. Honnêtement, tu check les gros shows japonais. Tu sais, le Budokan Hall, genre. Ils remplissent ça, c'est des millions de personnes quasiment. Puis tu sais, le production value est fou. Ouais, puis... Ça, puis le pire move japonais que tu peux faire, le bukkake, qui est quand même extrêmement dur à réussir. Vraiment. Il va là. Mais tu peux pas ne pas aller là. C'est un groupe de japonais. Un groupe de japonais. C'est IPA aujourd'hui, ça paraît. On va saluer Matt Paré. Moi, je n'ai une question, Nowhere, là, pour un lutteur qui lutte pour ta ligue. Là. Ouais. Toi, en tant que booker, scripteur, c'est-tu toi qui décide quel genre de personnage qu'il va être ou c'est lui qui arrive avec son personnage puis toi, tu vis avec, genre? C'est sûr que ça dépend de l'expérience du coordonnateur. Ça dépend aussi de l'expérience du lutteur. Si le gars a 20 ans de carrière, fait 20 ans qu'il roule sa bosse, exemple... Tu l'ostens pas, là. Exemple Frankie the Mobster. Je sais pas si certains connaissent Frankie ou là, ça se rend du Frankie TM, là. Je vais pas arriver à Frankie the Mobster. Ok, le gros, je vais réinventer la roue avec toi. Mets-toi un masque. Tu vas parler espagnol. Puis non, tu sais, le gars fait 20 ans qu'il roule sa bosse. Le gars, il connaît ses affaires. Mais t'en as qui arrivent des genoux, j'imagine. Certainement. Moi, j'ai déjà mon hook, là. Je vais être le flamant rose. Puis. C'est sûr qu'on s'essaie avec la personne. Puis. Le flamant rose. Veux pas. C'est le personnage d'André qui va. Carrément. Il vient de te faire un pitch, là, mais il ne l'a pas te dire. T'es booké samedi, mon chum. Main event contre le champion. Mais on va m'acheter une robe de chambre chez Walmart puis des leggings. On va mettre la tune de Ric Flair. Non, mais c'est sûr, t'as une recrue qui arrive, qui sort de l'entraînement puis tout ça. On peut-tu dire de l'école? Ouais, c'est des écoles de lutte, carrément. Puis il sort. C'est sûr qu'il part une idée. On s'entend. Mais tu sais, quand tu commences dans quelque chose, tes idées sont pas tout le temps super hot. À l'école, ils apprennent ça ou c'est juste. Ouais, ben à l'école, ils vont apprendre les prises, c'est normal, c'est la base. Ouais, ben mais c'est ça. Les coups de chest, les affaires de même. le côté théorique, il est peut-être moins présent. Ben, dans le côté théorique, ils vont en avoir, ils vont pratiquer souvent comment parler à la foule, comment travailler sa foule. De plus en plus, les écoles sont solides. Sérieusement, pour ça couvre les aspects. Moi, c'est honnêtement, c'est, en tant que coordonnateur, c'est mon dada. Faire des personnages, les gimmicks, tout ce qui tourne autour de le branding, comme on disait tantôt. Là. Ça, là, c'est ma tasse de thé. Là. Je trippe au bout là-dessus. Fait que c'est sûr, quand j'arrive avec des recrues, ben je m'essaie avec eux autres. C'est sûr que l'opinion des gens, c'est normal. C'est la base. Tu vas pas forcer quelqu'un à faire un personnage qu'il aime pas. T'sais, c'est parce qu'un personnage de lutte, faut comprendre, c'est toi-même à la puissance 10. Mais c'est ce que j'ai aimé. C'est sûr, sachant que tu t'en venais à l'émission, je suis allé un peu gratter. Oui, je me suis dit, OK, NCW, ça ressemble à quoi? Ça mange quoi en hiver? Mm-hmm. Je suis tombé sur le YouTube, puis la valeur de production que vous avez quand même, parce que j'ai écouté certaines vidéos, puis j'ai écouté les vidéos, c'est sûr, sur le ring, comment ça se passe, puis j'ai fait comme, OK, wow, c'est de la lutte. Mm-hmm. C'est ce que je connais de la lutte. C'est très bien fait. Puis là, je me suis dit, puis avec tout le respect que je vois à tout le monde, j'ai écouté des vidéos de coulisses, puis là, j'ai fait comme, tu sais, quand les lutteurs, ils shit talk un peu, tu sais, ils s'ostinent, puis t'inquiète, puis j'ai fait comme, oh boy. Puis là, avant d'écouter ce bout-là, j'ai fait, OK, t'as peur. Là, c'est sûr, je vais gérer mes attentes. C'est pas de la lutte professionnelle. Mm-hmm. Ben, ça en est en quelque sorte, avec le respect que je vois à tout le monde. Ben, c'est du semi-pro amateur. Mais j'ai resté surpris parce que j'ai fait comme, hey boy, OK, t'as peur. Le niveau d'acteur les gars, ils jouaient leur stock, puis c'était pas comme 4-5 gars d'un garage qui partaient, puis oh, non, hey, non. Let's go. Non, non, les gars, ça parlait, le texte était répété, l'intonation était bonne, l'emphase, puis faut être showman un peu. Oui, mais c'est clair. C'est sûr que tu dis le texte est répété, c'est drôle parce que la lutte, puis ça, c'est rare dans les milieux qu'on voit ça, c'est du one-shot, souvent. Wow. Carrément. Même nous autres, c'est pas du one-shot. Je parle présentement, je me suis édité 5 fois avant, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont le reprendre, mais honnêtement, je m'arrange que mes vidéos, à moi, personnellement, c'est du one-shot. Des fois, je vais en faire un ou deux, parce qu'il y a des affaires que j'ai moins aimées, mais le but ultime de ça, c'est du one-shot, parce que dis-toi, si t'arrives, tu fais du live devant tout le monde. Tu vas pas arriver. Ok, tout le monde, on oublie le dernier 5 minutes que je viens de faire. J'ai fucké le chien. DJ, repars ma tune. Commentateur, refais mon intro. Il y a rien arrivé. On replace la pyrotechnie. Il est tout l'air surpris pour une deuxième fois ce soir. Exactement. Je vais refaire mon heel turn. Puis, tu sais, non, ça marche pas de même. Là, c'est... Fait que de là, l'importance, faut essayer de. Dès le premier coup. Ça vient avec le temps. Il y en a qui seront jamais capables de faire ça. C'est normal, mais justement, les grosses ligues, c'est comme ça. C'est le on essaie de faire ça le premier coup parce que si t'arrives live, puis tu te pètes la gueule, il n'y a pas de second take. Là. Mais c'est là que je trouve... Il y a un côté improvisation. Je sais pas si c'est là que tu voulais aller. Il y a, là, mais... il y a le côté improvisation, mais il y a surtout le fait où, dans ma vision, puis mm-hmm. je suis pas un fan de lutte à la base, j'ai un respect pour ça parce que j'ai vu des artistes... donner tout ce qu'il y avait, même parfois leur vie, on s'entend. Athlète. Il y a des gens, des athlètes, carrément. Mais athlète et artiste à la fois. Oh, parce que non, c'est un mix. C'est un personnage, mais j'ai resté surpris parce que mes attentes sont souvent, puis j'imagine ça va être les mêmes attentes de certains auditeurs. My God. Mais certains auditeurs vont dire lutte québécoise amateur. Puis il va avoir une connotation avec ça. Puis ce qui m'a surpris, c'est la valeur de production. Ouais. Vous mettez le paquet, puis c'est bien filmé, c'est bien placé. L'histoire est là, c'est travaillé. Puis j'ai même l'impression parfois que certaines ligues, comme justement WWE, vont faire « Fuck it, cette semaine, OK, gars. » JF, il est malade. Chris, écrit l'histoire. C'est pas grave. Ouais. Pendant une semaine, ça va être fort. Puis j'ai quasiment l'impression qu'ils se font des running gags. J'en fais gagner lui cette semaine. Puis l'autre, writer de la semaine prochaine. Là. Ça va être son astuce de problème de régler le cas. Puis tout. Mais dans vos affaires que j'ai vues, j'ai resté surpris parce que j'ai fait. Chris, je m'attendais pas à ça. Pantoute. C'est bien fait. C'est bien honnêtement, réalisé. Honnêtement, mon but ultime en tant que coordonnateur face à mon produit, c'est que je pourrais prendre ma carte. Je pourrais prendre mon show. Je pourrais prendre mes promos, puis je pourrais faire un pilote TV, puis je pourrais envoyer ça à TV, puis ça passerait. C'est ça mon but ultime en tant que coordonnateur, d'avoir quelque chose tellement sharp côté technique. Tu sais, on se le cachera pas, la TV a pas de budget pour ça. Faut que tu arrives, je parle par expérience, là, faut que tu arrives avec un produit déjà tout monté, quelque chose de bien rodé. Ah, là, on va mettre de l'intérêt là-dedans. Parce qu'on va pas sortir d'argent de nos poches. Faut que tu mettes tes cartes sur la table. Exactement. Faut all que in. Tu le fasses. Puis... tu mets all in. Puis moi, c'est quelque chose que je veux justement. Je veux m'en aller vers ça. Avoir un branding solide. L'NCW, si on compare à travers toutes les fédérations. Parce qu'il y a bien des fédérations au Québec, là, sont super bien cotées. Honnêtement, côté production value, t'as des gars justement de la WWE qui avaient été là avant, des gars de la CW qui viennent chez nous, puis ils sont comme « Wow, pour une fédération indépendante, votre produit est solide. » Des gars comme Tommy Dreamer, qui sont venus à l'NCW, des gars comme Landstorm. Landstorm nous a félicités pour notre branding, puis le gars, il a fait du millage, là. Il s'est promené partout à travers le monde, puis il était bien, bien satisfait, justement, qu'une fédération indépendante se démarque comme ça. Donc... c'est des beaux compliments, ça. Exactement, puis le gars, il sait de quoi il parle. Tu sais, c'est pas... Brooklyn Broad. Mais quand tu dis indépendante, est-ce qu'il y a, veux pas, une association de ligues qui existe? J'imagine, tu sais, souvent on voit je me souviens dans le temps, il y avait Scorpion qui avait fait telle ligue, il était rendu dans telle autre ligue, après ça, il se promenait. J'imagine qu'il doit y avoir certaines associations qui se font. Il n'y a plus de territoire. Le territoire, c'est mort. Un territoire serait le Québec. Après ça, t'as l'Ontario. Ça, c'est... Mais avant, il y en avait des territoires. C'était un peu comme le hockey. Ouais. Tu sais, t'avais la ligue. Exactement. Avant, il y avait beaucoup de territoires. C'est plus que c'était. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est simple. Vince McMahon, avec la WWE, a tout simplement tout ramassé. Nice. Il a tué les territoires. Puis il avait pourtant dit à tout le monde, puis tous les promoteurs, un par un, en leur shakant la main, puis en les regardant dans les yeux, jamais, je vais faire ça avec vous autres. Jamais. Puis ils ont tous tué un par un. Mais ça, c'était pas un scénario, ça. Ah, non, c'est carrément. C'est carrément l'affaire qui me fait rire. Un business move. C'est que je suis pas sûr si c'est scénario ou vrai. Non, c'est vraiment... Je comprends rien dans ce qui se passe. C'est un businessman ambitieux. Il a ramassé la business de son père. Il l'a emmené à un autre niveau carrément. Il a créé les WrestleMania. Il a créé toute la machine qu'on a. Une ligue de football. Ouais, ça, c'est ça. Exactement. Ça, c'est comme le Virtua Boy de Nintendo. Je suis sûr qu'Eric, ça fait un heure qu'il attend de plugger la XFL. Genre, oui, plugger la XFL. Ça n'existe pas. Non, mais sérieusement, c'est du essai-erreur. Si tu n'essayes pas, tu ne réussiras jamais. T'sais. Il a perdu bien de l'argent là-dessus. Là, comme là, en ce moment, il y a le WWE Network. Ouais. Ouais. Ça, pour c'est comme 10$ par mois, t'as du de la lutte 24h. C'est comme Netflix, dans le fond. Exactement. Mais, parlant de Netflix aussi, il y a eu le un peu début 2000, fin 90, t'as eu aussi le branchement où j'ai écouté des films comme Walking Tall avec The Rock, où ça a amené que ces vedettes-là avaient tellement déjà pas un culte, mais des gens qui un les following. Suivaient, un following, parce que je cherchais le terme français, c'est pas il y en a pas. Mais les gens avaient tellement un following, puis The Rock s'est mis à faire des films, puis calvaire, il était bon. Mais c'est ça qui est fou de la lutte, c'est ça, comme je te dis, parce que la lutte transcende plein de genres. Ouais. Un lutteur va venir faire n'importe quelle chose. Des films, de la musique, exactement. N'importe quoi. Là. Exactement, puis c'est ça qui est fou de la lutte, c'est ça que j'aime de la lutte. Ça va me permettre, comme j'ai dit tantôt, un peu de toucher à tout, n'importe quoi. Les gens vont m'inviter sur des podcasts, sur des shows TV, des enfants même, pour parler de lutte. Parce que je veux pas, tout le monde a un moment donné trippé de près ou de loin de la lutte, ou connu quelqu'un qui trippait, ou avoir une grand-mère qui écoutait la lutte. Ouais. Je sais pas vous autres. Ma grand-mère qui écoutait la lutte. Écoute, non, j'ai suivi la lutte à cause de ma grand-mère. T'es-tu sérieux? Je te le jure. Ça, puis jouer au Nintendo. C'est de là que ça vient, les deux. Oh, mais justement, on n'a pas posé cette question-là, mais c'est où est-ce que tu as commencé ton trip, justement, comme continuer avec ton histoire de ben moi, mais c'est ça. C'est carrément ça. Là. Un samedi matin, ma grand-mère me gardait. Si elle jouait pas à Zelda, ben elle me foutait devant la lutte. Puis c'était-tu Maple Leaf Wrestling? Non, c'était WWF Shotgun. OK. Ben, je me souviens que c'était... CF 12. C'était WWF, Maple Leaf Wrestling. Puis j'étais comme, wow, à tous les samedis. Non, c'est CF 12. Puis dans le temps, on pouvait pas écouter Raw. Ça existait pas. C'est pas payant. Raw, mais j'ai pas la même âge que toi, là, mais Raw, quand on a commencé, nous autres, en français... De façon de dire, je suis vieux, là, mais... Merci. Même pas. Non, j'ai 29. 33. Bon, c'est ça. C'est mieux, mais fait une différence. Non, il y a une différence. Mais quand le Raw a commencé, nous autres, en français, ça jouait, je pense, le samedi midi, à RDS. Oui, exactement. Puis tout le hot était coupé. C'était, au lieu de durer 2 heures ou 2 heures et demie, ça durait 1 heure et 40. Mettons, t'as 45 minutes de lutte. Là. Je me souviens du câbleau sélecteur. Tu sais, la grosse patente en 6 millibois qu'il fallait que tu punches. Puis là, ça faisait le gérol. Là, tu changeais de poste. C'était-tu ça, un gérol? Écoute, peut-être. Ma tante, elle disait ça. Pas le gérol. De quoi tu parles, là, ma tante? Puis c'était la première télécommande avec un fil. Puis j'écoutais la lutte avec ça. Tu sais, on s'installait. Puis, oh my God. Puis après ça, je veux pas, c'était 1 heure. Ça durait 1 heure 30 minutes. Puis là, je me disais, c'est cool. Puis là, c'est comme l'expression anglaise, it's growing on you. Tu sais, ça commençait à prendre la place. Puis après ça, il y avait du monde à l'école qui en parlait un peu de lutte. Mais tu sais, pas trop, juste un peu. Puis après ça, il y a eu le gros boom. Moi, j'ai commencé à écouter ça en 96. Après ça, on a eu le Monster Boom 99, Steve Austin. Tout le monde. Tout le monde et leur mère avaient un chandail de Steve Austin. Je me sens tellement vieux quand tu dis ça, parce que moi, je suis comme... J'avais 6 ans, fait que j'étais comme 86, 87, là, avec mon petit voisin italien en face, ben, puis son frère. Puis... Ça, dans ce temps-là, j'ai pas trop embarqué. Mes cousins, ils regardaient la lutte, genre Ultimate Warrior, Triple Threat, ouais. Mais ça, j'avais pas trop... Moi, c'était Ultimate Warrior, les Rockers, Shawn Michaels, Marty Jannetty, là, c'était mon duo préféré. Puis quand Shawn Michaels a kické Marty Jannetty dans la face pendant le barbershop, a kické au travers d'un miroir, là. Shocker. Mon cœur dans la fête était brisé, là. Moi, j'étais je me comme, souviens, étant plus jeune, le catalogue Sears avec les figurines de Hulk Hogan, toutes, le, t'avais le ring, puis... Quand j'étais enfant, j'avais ceux de 12 pouces en gros crisse de rubber. King Kong Bundy, hey, 12 King pouces, c'était écœurant. Ça swing un autre enfant, ça. Quand tu le tenais par la patte, puis t'as... les tons, gueule. C'est quasiment un coup de dildo, ouais, ça gueule. Un grand rubber, coup de King Kong Bundy. Ouais. Le sergent Slaughter. C'était, ouais, t'es avec tout. Mais par après, t'as eu, en même temps que les Ninja Turtles, moi, c'était un dilemme. J'avais mes Ninja Turtles, puis mes figurines de lutte. Ouais. En plastique, mais il faisait tout un move. J'avais genre Coco Beware ou The Dragon, je me souviens plus. Ricky the Dragon. Il pesait, il sautait. Coco Beware, pas mort. Junkyard Dog. Junkyard Dog, Il y en a un, voilà, sur, qu'est-ce que je connais, un sur trois sont morts de notre enfance. Mais c'est pas. C'est un checklist dans ta tête. Là, je me dis, mais non, mon gars, il a lutté l'année passée contre lui. Ça marche. Mais j'ai pas de plein de souvenirs. Mais là, justement, puis là, moi, la lutte, ça s'est mis à grandir sur moi. Puis là, à un moment donné, je fais le bangar, je veux voir qu'est-ce qu'il y avait avant, justement. Puis là, c'est là, j'étais arrivé dans le temps avec le club vidéo, tu pouvais louer toutes les VHS de lutte. Ouais. Inimaginable. Puis, je sais pas vous autres, mais moi, il était tout le temps dans le bargain bin. Fait que ça coûtait moins cher. Là, que tu finissais genre... par l'acheter. Ben non, mais ça coûtait genre 50 cents le louer. Puis là, je me retrouvais à louer comme genre 8 cassettes. Ça me coûtait un gros 5-6$, même pas. 4$, j'étais bien content, je m'y tapais tout un après l'autre, toc toc toc toc toc. Fait que je me suis mis à écouter tous les anciens pay-per-view. Je me suis mis à apprendre tout qu'est-ce qui avait rapport à la lutte. Là, après ça, j'ai expansionné. Donc, c'est cool la WWE, mais là, après ça, il y avait d'autres choses. Il y avait la WCW, il y avait la ECW. Après ça, le Mexique, le Japon. Ça, à un moment donné, là, je passais, là, je te dirais, au moins quasiment l'équivalent d'une job à temps plein à regarder de la lutte sur ça par semaine. Là. Moi, j'ai une question pour toi. Quel tabou, selon toi, est associé à la lutte qu'on aimerait démentir ce soir? Parce que c'est sûr et certain, nous autres, on parle tout le temps, tu sais, la culture geek. Mm-hmm. Tu peux être geek de char, geek de sport, peu importe, mais... C'est sûr, il y a des gens qui vont avoir un préjugé envers la lutte. Ils vont se dire, la lutte, c'est pour ce genre de personnes-là. Il faut juste faire sûr de ne pas nous dire que c'est faux ou quelque chose comme ça, parce que ça, je... Oh, non, la lutte, c'est vrai, premièrement. Tu sais, on vient de... Tu sais que je veux dire, quand je dis faux, là, je veux pas sonner comme le... Je veux dire, les histoires sont... Ah non, mais parce que ça, c'est vrai, ça. Au même niveau qu'on peut associer que tous ceux qui aiment le NASCAR sont des rednecks. Ben, c'est un peu. Ah, c'est exactement ça. Sans vouloir aller. C'est exactement ça, tu veux aller dans le je vais aller dans cette direction-là parce que je trouve ça plate. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des préjugés envers certaines choses. Oui, j'assume pleinement, puis je sais très bien aussi que tu veux en venir. Le fan de lutte moyen est un BS. Ben, en fait, moi, je veux pas aller là. Mais là, il veut la préconception est là. Non, mais c'est ça. Il y a des gens qui vont penser ça. Puis ça, je peux. T'as ta tribune, là. Ouais, ben, justement. Ben, regardez, le produit, on en parlait, c'est rassembleur. Donc, j'ai des familles. Le gars travaille pour la ville. Il n'y a pas de pattern de fan de lutte. Tout le monde peut triper. Tout le monde prend son pied à sa façon dans la lutte. Que ce soit juste, justement, le gars, il veut triper, il veut regarder deux gars se tapocher dessus. Ça le défoule à sa façon. Pas besoin de crier, va te casser la gueule ou peu importe. Il va en avoir du monde de même. Mais il y en a partout parce qu'il y a de n'importe qui. Il y en a au hockey. Il y en a au hockey, à la lutte. Il y en a à bas. Au show de YouTube. Mais faut comprendre. Mais faut comprendre que c'est eux autres qui vont parler plus fort. Faut comprendre qu'un journaliste, il arrive, là, puis il te voit un cabochon. Là. Il dit, oh, on va avoir... Un régent la joie à TVA. Viens-t'en, fait... mon régent, on va parler de lutte à la TV. Puis là, le gars, il est là, puis il se fait interviewer par Guy Nantel, là, tu vois le genre. Là. Ben, c'est ça, exactement. C'est un peu... On s'entend, l'image cliché qu'on se fait imposer par les médias sont... Ben, comme tu dis, tu sais, la personne, un prestataire qui va recevoir son allocation, qui va aller voir la lutte, mais en réalité, la lutte, c'est... Puis Puis tantôt, tu parlais de ça, c'est du théâtre extrême. Carrément. C'est un film d'action en direct. C'est carrément, c'est un divertissement comme un autre, là, on s'entend. Là. Écoute, au théâtre, tu sais comment ça finit, tu sais comment tout ce qui se passe, mais à la lutte, là, il peut se passer plein d'affaires. Il y a des surprises à la lutte. Tu peux même te blesser à la lutte. J'ai vu du monde, là. T'arrives, t'es en plein milieu d'un match, là. Ta jambe décide de... Hop, elle casse. Qu'est-ce que tu fais? T'as vu ça? Tu continues parce que t'es un showman. Ben, pas à toi, là. Ben moi, je me suis déjà pété le genou en début d'un show. J'avais 5 matchs sur le show. Mon cinq gars, matchs? Cinq, c'était un tournoi. OK, OK. Mon gars se rendait en finale. Méchante de soirée. Il les a finis ou... Pas été capable pantoute. Je suis arrivé dans mon début de match. Mon genou a froissé. Je dis, bon, on va finir le match. Le gars me fout... Moi, je suis gérant. Là. Le gars, il me fout une shot. Je me recule. Le genou fait... Oh. Là, je suis comme... Oh. Là, je pogne les deux gars de sécurité. Les boys, sortez-moi. Je suis plus capable de rien faire. J'ai resté assis tout le show. Je pouvais même plus me lever. Pendant 2 semaines, j'étais même pas capable de marcher. Pendant, je te dirais, 6 mois, j'ai boité. Ça a été le... C'était un... C'était... Dans le fond, c'est le tendon de mon genou qui a froissé. C'est mauvais. Là que t'es devenu promoteur. Non, non, non. Mais non, j'étais déjà gérant. J'étais déjà gérant. OK, OK. Oh, non, c'est juste... Même un gérant peut se donner tellement dans son art qu'il va se dépointer le genou pendant un gala. Ouais, mais là, c'était une niaiserie. Mais tu sais, il y a des gens à un coup de chaise. Un mauvais move, des fois, aussi, c'est ça. Un faux mouvement, un coup de chaise. Tu prends quelqu'un... Tu lui fous un coup de chaise, tu vas pas faire ralentir à la dernière minute, poc. Non, non, ça swing, là. Ben, c'est un peu ça, c'est parce que la préconception des gens, puis le plus vieux débat associé à la lutte, c'est tout le temps si tu es vrai ou c'est fake. Mais peu importe la réponse, les gens se donnent pour vrai sur le stage. C'est des athlètes. Les gens se défoncent, le monde mange des coups pour vrai. Moi, je te dirais, là, concrètement, là, je suis un gars qui aime ça suivre l'actualité. Là. Ceux qui connaissent pas trop, ben vous allez voir, si vous parlez de lutte, c'est dans l'actualité en ce moment-là. Là. Il y a un lutteur, Roman Reigns. Le gars a fait un show dimanche. Ouais, il a fait un show lundi dans The Shield. Ils ont montré des photos de son dos. OK, il est sur Twitter. Ouais, il a mangé des candlesticks. Le gars a le dos en Sharpie. Sharpie carrément tout magané. Là, il a mangé à peu près 60 coups de bambou dans le dos. Là. Ça pardonne pas, ça. T'sais. On peut dire, ouais, c'est fait qu'il le frappe pas pour vrai. Hey, non, non. C'est un morceau de bambou que tu swings de toutes tes forces dans le dos de quelqu'un. Pense-y comme tu veux. Là. Okay, il n'y a pas des crimes qui sont donnés ça comme sentence en Thaïlande? Oui, entre autres. Mais Thaïlande qui ont banni le signe de Hunger Games en plus en disant comme non, vous faites plus ça parce que c'était rendu le signe de manifestation. Mais ça, c'est la partie justement à SW Singapore Cane Match. Ouais. Le perdant se faisait carrément donner des coups de canne de Singapour. Candlestick. Wow. Ouais, c'était. C'était l'époque un peu c'était plus underground, extrême ça. Aussi. Exactement, c'était beaucoup plus extrême. Là, ça s'est calmé. Il n'y a plus de coups à la tête. Il n'y a plus. Plus de backyard wrestling. Ben, du backyard, il y en a. À part pour le Nintendo 64, ceux qui ont encore la cassette, il y en a un. Pendant que tu parles de ça, ben vite, j'ai un DVD justement qui s'appelle The Backyard chez nous. Moi, puis mes DVD obscurs, assez bizarres, là. Puis c'est un genre de documentaire sur la lutte de backyard. Ouais. Pis... Je l'avais vu à Fantasia. Oh, ben, c'est exactement là, je l'avais vu. Puis c'est plate à dire, mais ça brise pas le préjugé parce que tu vois juste des jeunes rednecks, justement, qui ont un trouble d'addiction. Puis que tu vois qu'ils sont pas tous là. Puis ils se fessent avec des néons en face. Honnêtement, ils imposent, ils jouent aux échecs. Ou... Non, même pas. Honnêtement, j'ai mon opinion sur le backyard. Puis il y a des gens qui vont pas partager. Ça dépend, c'est quoi, tu sais, lutter pour lutter, tu sais, genre, on a tout, je pense, m'en est lutté ou se tirailler avec ses amis. J'ai des très grosses anecdotes. Si je voudrais rentrer là-dedans. J'ai fait la semaine passée avec ma copine. Tu comprends? Bon, ça, c'est de la lutte de lit, c'est pas pareil. Ah, oups, oups, tu l'as fait de ta part. Bon, OK. Il y avait pas de scénario, c'est surtout du vrai. Il a gagné avec un chokehold. Je voulais pas aller là, mais... C'est du bon je goût, m'excuse, j'adore. Mon amour. J'adore. Mais tu m'as fait perdre carrément mon fil, mon chum. Toujours est-il que le backyard, c'est comme si tu dirais à des jeunes qui jouent au hockey dehors dans la rue, là. Hey, le Piqué Subban, là, puis le Piqué Subban vous envoie promener parce qu'il veut pas que vous fassiez du backyard. Parce qu'il voulait pas que je joue au hockey dans la rue, là. Hey, laisse ça aux professionnels. Tu comprends-tu la... Je sais pas si tu vois pas ça, je m'en vais avec par ça. Par Twitter pour se faire nominer pour la pochette de NHL 2015. Non, sur Facebook, non, mais parce qu'on sait pas comment que ça marche. C'est ça. Faut... ça, je l'ai vu. Souvent. C'est pas Milton qui a posé. Non, c'est pas non, non, c'est pas moi. Moi, j'ai vu. J'ai trouvé ça très drôle. Mais le backyard, OK, à un certain niveau, doit exister parce que c'est de la relève. Puis c'est parce qu'on a tout trippé là-dessus à un moment donné. Tu sais, on s'entend qu'ils se pétaient des néons, se pétaient des, tu sais, comme tu comptais, Redneck ou à coup de Weed Eater, j'ai tout ouais. vu, là. À coup de Weed Eater? Ouais, j'ai tout vu. J'ai tout vu. J'ai changé les cordes sur un Weed Eater, là, deux semaines, puis j'ai passé à trois doigts, perdre quatre doigts. Il se pète ça dans le front puis dans le dos, genre. Il sac des shots avec ça? Ouais. Là, on s'entend à ce qu'on parle là. Pas tout le monde, là, on s'entend à ce qu'on parle là, c'est aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec ce que les promotions NCW... Mettons que si on aurait à pointer une région des États-Unis, on est plus proche du sud, du nord... Tu sais, il y a le sud, puis il y a le sud profond. Il y a le sud Nouveau-Mexique. Ben, non, non, mais par exemple, la fédération qui fait ça s'appelle IWA Deep South. C'est même pas des blagues, là. C'est pour de vrai. Leur rib, eux autres, ils mettent-tu de la cassonade puis du paprika? Je pense qu'ils mangent cru. Du Mississippi. Ils mangent, ils mettent de la bière, ils mettent de la Pabst, puis ils mangent cru, je sais pas. Mais honnêtement, le backyard, là, comme je vous dis, on a tout commencé, veux pas, en faisant un peu, sans se péter des néons, sans se péter des chaises, juste... C'est parce qu'il y a deux limites. Il y a des limites aussi qu'on peut dire dans le backyard. Là, exactement. On... T'sais, comme, mettons, il y a du hockey puis il y a du hockey semi-pro. C'est ça. c'est un peu pour reprendre ton exemple. Si tu vois les kids jouer au hockey dans la rue, c'est correct. Ben mais oui. Si t'es voué arriver puis se fesser dans les dents avec des bâtons, tu fais hey. Mais en gros, là, ouais. Si on a à résumer la lutte, ouais. Si ça fait longtemps que t'es dans le business. Mm-hmm. T'as lutté, je peux dire lutté? Bah, j'en ai fait une coupe, mais moi, je vais mieux être gérant. Honnêtement, j'ai fait mon deuil de lutte. Donc, tu gères des artistes, ouais, des exact. Athlètes. Ouais. Tu participes dans l'organisation. Ouais. Si les gens ont à retenir une chose à propos de la lutte, puis on va y aller à deux niveaux. Ouais. On va y aller au niveau la lutte internationale, mm-hmm. Tu sais, WWE, ouais. blablabla. Puis on va y aller au niveau de la lutte locale. Mm-hmm. Si t'as une chose que live là, je te donne une tribune, t'as un gros 25 auditeurs au complet qui sont dans leur sous-sol puis qui ont le choix entre nous autres puis Brazzers.com puis qui écoutent Geek Collectif, qu'est-ce que tu veux leur apprendre puis qu'est-ce que tu veux qu'ils se souviennent d'un épisode qu'on fait ensemble? C'est un divertissement, okay, pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Faut juste que le monde ait l'ouverture d'esprit de se donner la peine... d'aller investir le petit montant. C'est, hey, les billets, c'est 12$. Honnêtement. Puis, je pense que je peux l'annoncer vite, là. Certainement. J'ai décidé, avec le comité administratif de l'NCW, de faire tirer une paire de billets. Génial. Okay. Donc, on va poser une question accessible à tous, qui va être facile, pour être sûr que tout le monde participe en grand nombre. Qui a vaincu la streak de l'Undertaker? Attends, peu. Ouais, là, on va le faire vraiment accessible à tout le monde. Ouais. La streak de l'Undertaker, ouais. Voulant dire, lui, il a gagné WrestleMania, si je crois bien. À chaque fois que l'Undertaker s'est présenté, ouais. Il a gagné. Exact. Il y a quelqu'un qui l'a vaincu, puis il a perdu à ouais. WrestleMania. Exactement. Vous dites qu'Undertaker, il est vivant. Un indice, c'est pas le Brooklyn Brawler. Mais presque. Fait qu'il y a quelqu'un qui a battu Undertaker à WrestleMania. Après 20, c'était... 20, quasiment 25 ans. 21? Il était 21. 21-0. Il est retenu 21-1. C'est ça. Fait que là, 21 ans. Autrement dit, 21 fois à WrestleMania. 21 ans de victoire à WrestleMania. Fait que ça n'a pas de précédent, ça, là, non, dans le fond. Là. C'est le top. Je les ai toutes vues. Ça fait que toi, tu pourrais gagner tes billets live, là. Oui. Mais aussi, tu le feras pas, parce que t'aimes nos auditeurs. Moi, j'écoute la lutte depuis... Écoute, Monday Night Raw, là, qui joue, ouais. Ça fait combien d'années que ça dure, Monday Night Raw? Commencé à 95, je pense. J'ai peut-être manqué 10 épisodes en 25 ans. Je les enregistrais, là. La star, je peux les écouter en stream, whatever, mais avant, je tapais mes shows de lutte. J'en manque pas un. Fait que dans le fond, les gens qui veulent avoir la réponse, at Johnny Tabarnak sur Twitter, mais... Ces billets-là, là, pour le NCW, excuse-moi, on va le dire avec l'accent, NCW, lutte, wrestling, c'est quel événement qu'on s'en va voir avec ça? Parce que là, vous avez deux événements. Oui, exactement, mais là, on va commencer par... Les billets, c'est pour Fête Nationale le 21. Le 21 juin, Fête Nationale. Gros spectacle pour la Saint-Jean. Donc, On s'entend que c'est Fight F-I-G-H-T. Et c'est pas un show d'Éric Lapointe, là. Non, exactement. Cuir, il est pas là, là. Arrivez pas là avec votre veste de cuir. On va essayer de booker Mario Benjamin. C'est pas les franco-polices. Bon, il y a une limite à la porte, c'est un maximum de 3 bagues par main. Si vous dépassez ça, vous rentrez pas. Mais dans le fond, Fight National, exact. Ça va se passer le 21 juin. Ça exactement. Se passe où exactement? Donc, c'est le centre Bruxelles. Okay. On va donner toutes les adresses sur le site justement du podcast. Et c'est un gros spectacle. Ça va finir. Dans le fond, le Fight National, okay. Tout le monde connaît le concept du Royal Rumble. Ouais. Donc, plusieurs lutteurs dans un ring. C'est exactement ça qui va se passer. Donc, le gagnant, cette année, j'ai... ajouter une petite twist. En temps normal, c'était... C'est le Canadien. Ils font du plécaniquing. Je la comprends même pas. Mais c'est pas grave. Un Canadien, pas un joueur du Canadien. Ah, OK. Le excusez. West Canadien. Ouh. Fait qu'ils vont s'excuser à chaque 30 secondes. Donc, une tournure d'événements. C'est-tu mieux, ça? Ouais. Ouais, OK, mm-hmm. Good. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de... pour le titre québécois, de la NCW, qui est le titre le plus prestigieux de la fédération, il va y avoir une roulette qui va faire en sorte que le hasard va choisir le titre que la personne va devoir... qui va pouvoir... Il va gagner, dans le fond. Pas forcément gagner, mais il va être contre le champion. Ouais, OK, cool. Ouais. Oh. Parce qu'avant, on disait, ah, ben, tu peux choisir ton titre toi-même, mais n'importe qui a une tête sur ses épaules va prendre le titre québécois. Tu sais, on logique. Ouais, je vais prendre mon gros titre. Tu sais, tant qu'à y être, tu vas prendre le gros titre. Fait que là, j'ai dit, on va mettre une petite tournure d'événement. Est-ce qu'il y a un tag team championship que la personne pourrait pogner sur la roue et être pognée à faire face à deux... Oh. Ben oui, effectivement. Là, dans ce cas-là, il faudrait qu'il se trouve un partner. OK, je m'en ai dit, ça serait lui tout seul. J'ai le bénéfice du doute. Fait qu'à ce moment-là, peut-être que Oz fait un grand comeback. Je dis ça de même, là, mais... Bah. Ben, sinon, c'est handicap match là, pour le tag team. Ça l'aurait été... Mais toujours dire que pour ce spectacle-là, ça vaut vraiment la peine, honnêtement. Si vous voulez venir, gênez-vous pas aussi. Tous les titres sont en jeu. Ce soir-là, on a décidé que tous les titres sont en jeu. Le titre québécois est en jeu. Le titre triple couronne est en jeu. Le titre intercité est en jeu. Le titre par équipe est en jeu. Donc, il va y avoir un total de 6 matchs. 6 combats, donc 4 combats de championnat. Si je sais compter, effectivement, je sais compter, c'est bien. Donc, et le Battle Royale à la fin, dans le fond, qui va déterminer. Ah, les gens qui veulent se renseigner à propos des événements en cours, à venir, des choses comme ça. Vous avez votre site internet. Exactement, il y a un super beau site web pour ça, c'est ncw.qc.ca. Super, super site, tout est tout le temps à jour là-dessus. Regardez, en ce moment même, il y a les cartes. Fight National n'est pas encore là au moment de l'enregistrement, mais au moment de la diffusion, il va être là. Mais en ce moment, c'est fin de session là, qui est sur le site web. Je peux même nommer quelques cartes, si vous voulez, ou peut-être tantôt. C'est à tu peux y aller à ta guise. En fait, c'est ta discrétion. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est ton show, garde-toi. Ben, regardez, comme on parlait tantôt de Jay Phenomenon, donc la fin de session, le 7 juin, il est contre Liam Leto. Liam Leto, qui est un nouveau visage à la NCW, il n'est jamais venu. C'est un peu, comme on pourrait dire, un match d'essai. Pour lui. Donc, un match d'essai pour le nouveau? Oui, exactement. Puis il essaye Jay Phenomenon. OK, exactement. D'essai, pas d'essai. Non, pas de mort. Ça commence bien, il meurt au début. Parce que si j'aurais dit try-out, je m'aurais fait chicaner pour mon anglais. Non, mais écoute, on apprécie les gens qui préservent la langue. Et voilà. C'est un terme de lutte, fait que c'est correct. Oui, bien les termes de lutte sont anglophones. Donc, c'est un match d'essai, de try-out pour le jeune Liam Leto. Il a fait sa marque, honnêtement. Il a fait sa marque à travers le Québec. Moi, j'essaye d'insérer des nouveaux visages aussi à l'NCW, des visages frais, des jeunes, nouvelle génération de lutteurs. Donc, Liam Leto va faire partie de ça. On a aussi les titres par équipe qui vont être en jeu. Les champions Trauma Unit, qui sont Mark Mercer et Stu Corvus du Torture Chamber. Torture Chamber, c'est une des écoles de lutte les plus prestigieuses au Québec. C'est pas la plus prestigieuse. Qui vont être contre les Titans, Chacal et Bishop. Donc, Chacal et Bishop, si vous avez déjà suivi NCW, ça fait longtemps qu'ils roulent leur boss, là, je vous dirais un bon 10 ans facile, pour ne pas dire plus. C'est un peu le Don Paysan. Avant ça, bien avant. Chacal et Bishop, c'est bien avant. C'est quoi le pays, je pense, c'est... J'ai un golem là, t'es dans le bon in. Hey, petite question niaiseuse, ouais, pendant que je t'ai. Si moi, ouais, je veux être une de tes cartes un moment donné. Eh ben, ça part bien. Attends, Milter, tu viens-tu te dire que tu veux faire de la lutte? Ben, gars, quand j'étais petit, j'avais mes tutus. On moi pis Nick tag team, tu sais. Mais je pars où? Je m'en vais à une école, par exemple, ton Torture Chamber que tu viens de nommer, là. Tu pars du début, c'est normal. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut faire de la lutte en partant. Il faut avoir une bonne condition physique, un bon cardio. On est toutes faites. On vient de couler le cours live, là. Puis... Je peux être manager. Peut-être pas que je fais ça. Non. Honnêtement, après ça, vient des trainings, je te dirais. Ça dépend des personnes, mais... Un bon facilement, ça peut prendre 2 ans. Les cours à l'école, c'est un bon minimum 2 ans. Facilement. Okay. Puis ça à partir de là, ben. T'as une bonne base, tu peux le mettre. T'sais... Quand t'es capable de faire un scissor kick, tu peux commencer à embarquer sur le ring. Non, correct. Mais c'est justement ça, c'est parce que, tu sais, il y en a qui vont dire, j'ai fait un training, je suis correct à lutter. Non, c'est parce que ça marche pas de même. Tu sais, c'est justement c'est pour ça, parce que, comme on expliquait tantôt, l'NCW est un standard, puis je mettrai jamais quelqu'un qui a fait un training de lutte sur mon show. Ça puis pour la sécurité, je pense, de tout le monde. La sécurité en général de tout le monde, la sécurité de la personne en particulier aussi, c'est la moindre des choses. Ça prend un minimum de standard. Puis le nom, c'est le branding, comme je vous disais au début. Ouais. On a un standard de qualité qu'on veut garder, qu'on veut instaurer. Puis ça, tu sais, oui, ça ferait plaisir à la personne, quelque chose de même, mais si t'es pas prêt, tu vas me faire mal pareil tout le monde. Tu vas te faire mal pareil toi, tu vas nous faire mal pareil nous autres. C'est comme un jeu vidéo, t'attends un petit peu pour le sortir, puis tu vas être meilleur. Ouais, c'est ça. C'est comme l'école nationale de l'humour, c'est, si tu veux être humoriste, ben, tu passes à l'école nationale de l'humour. C'est ça, ben, c'est à moi des choses, c'est ça, j'imagine. Fait que pour les gens qui veulent un avant-goût, dans le fond, vous avez une chaîne YouTube également. Ouais, effectivement, on a une chaîne YouTube, puis juste vite, on parlait de match de femmes tantôt, puis on avait un fan. Ouais, ouais. Donc, il va y avoir un match de femmes, j'ai décidé ça là, pour le 7 juin. Il va y avoir Kira contre Angie Sky, puis avec comme arbitre Marie-Lee Rose. Donc, un gros spectacle de femmes. Qui un arbitre féminin, en plus. En plus, oui, j'ai eu tout all-female cast. J'ai amené tout le moi, monde. Moi, j'ai une question. Ouais. Y a-tu du jello? Non. Encore là, on parlait de clichés tantôt et de... tu viens de te garocher. Là, je viens de me garocher dedans. Oh, c'est bien comme ça. Oh, mon Dieu. Toi, t'as écouté Old School il n'y a pas longtemps. You're my boy, Blue. Fait que dans le fond... Facebook.com/, je pense que c'est promotion NCW. Ouais, on a Twitter, on a Instagram récemment. Et, on a tout, on se promène, puis on est vraiment actifs sur les réseaux sociaux. C'est l'avenir, on se le cachera pas, là, je pense que c'est effectivement. Notre... Mm-hmm. Puis les gens qui ont des questions pour toi, dans le fond, qui veulent parler à Richter Oz McGott, qui veulent savoir, regarde, écoute, qu'est-ce qui se passe dans la lutte quotidiennement, la lutte locale, la lutte internationale, les gens te rejoignent où exactement? Facebook, Richter's McGott, aussi simple que ça, comme ça s'écrit. Il n'y a pas beaucoup de McGott sur McGott, Facebook. McGott, dans le fond, j'en connais pas beaucoup. Là. Non, on était avant beaucoup. Ça s'est réduit avec les années. Là. Je suis maintenant le seul. Mais on a déjà une famille. Ils ont tous tué un paquet. Non. Ils ont tous passé au travers d'une table, puis là, il reste lui. Je dis ça de même. Officiellement, ils ont tous pris leur retraite. C'est plus ça. Ah, ben ça, c'est correct d'abord. Oz McGott, dans le fond, Facebook, Twitter, on peut te rejoindre, j'imagine. Tout est. Honnêtement, mon nom, Richter Oz McGott, j'ai même pas mis de t'affaires complexes, là. Richter Oz McGott, tu me trouves, je suis facile, puis j'accepte presque tout le monde, là. Excellent. Je réponds pas à tout le monde, mais c'est pas vrai. Milter, les gens qui viennent te rejoindre à ce moment-là? Moi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook. Exactement. Mon nom, Jonathan Milter. Sur Twitter, c'est Zombie Milter. Puis sur Instagram et Xbox Live et PSN Network, Milter 187 pour... Brop, les meurtres. Le code de police morte. Eric, Montréalien un peu sur tout, là, Facebook, Twitter, etc. Puis Priced 180. Ben Priced 1387 sur Battle.net. 1387. Mais Priced aussi sur WildStar, serveur Purgo. Le meilleur jeu MMO en ligne. Le meilleur MMO jamais fait de l'histoire du monde, pour le prochain 2 mois peut-être. Exactement. mais cela dit, c'est ça, tu peux me trouver là-dessus. Si tu peux survivre les queues de 12 heures. Combien? S'il y a quelqu'un qui joue à Wildstar et qui est rendu à Star ici. Tu payes-tu par mois pour ça? Man, j'ai pas eu le temps d'en parler tantôt, mais... Nick! Les gens qui veulent oui. te suivre. Sur Facebook, Nicolas Denamé, partout. Il n'y a pas un event sur Facebook où tu ouais, publies mais, souvent ces temps-ci? En fait, vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi à Johnny Tabarnak. Ou dans tous les shows d'Éric Lapointe, je suis tout le temps là. Je suis comme son promoteur, je l'adore. En passant, félicitations pour ça. Félicitations pour tes mimes du show d'Éric Lapointe. Merci. Honnêtement. Ton show francophonie gratuit. Ouais, le 17 juin. On va peut-être faire la couverture. Gros show d'Éric Lapointe, Ticré. DJ Ticré live là. J'espère qu'il va avoir ses ailes d'ange. Nous sommes le Geek Collectif, geekcollectif.com ou facebook.com/geekcollectif le podcast. @geekcollectif sur Twitter. Vous pouvez également nous trouver via le rzoweb.com. Sur RZO, vous allez trouver environ 30 à 32 épisodes. Pas des épisodes, des shows qui contiennent des c'est épisodes. C'est comme le casa du podcast. 30 à 32 shows de podcast que vous allez pouvoir écouter. Tels que 3 bières, je joue le jeu. Testeur Alpha. Pas de problème. Rétro Nouveau. Les Geekers. Mac Québec. On n'a pas honte. Mac Québec, c'est vrai, Eric. Mac Québec. Je l'avais oublié, celle-là. Donc. Plein d'autres affaires. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Et on se revoit dans 2 semaines à ce moment-là pour la couverture du E3. Oh oui. En direct de Los Angeles. Puis on a bien hâte de pouvoir partager l'événement avec vous. Donc, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Et sur ce. On drop la flûte live. Flow là. Drop. Une petite toune de lutte en flûte. La lutte en flûte. Ah, la flûte en lutte. Flûte.